Bon, Alex, je tiens beaucoup à cette émission. Ah, mais moi aussi, je tiens beaucoup à cette émission. Et en plus, on va travailler avec la RTBF. Non, mais pourquoi tu ris? C'est parce qu'il y a travailler et RTBF dans la même phrase. C'est pas normal, ça. Non, non, non. Donc, on va faire l'émission avec nos homologues de la première. L'émission, c'est presque sérieux, présentée par Walid. Par qui? Walid. Ah oui, donc on fait une émission post-attentat présentée par un type, il s'appelle Walid. Ah non, Alex, non, je t'interdis les amalgames, hein, s'il te plaît. Bon, Guillermo, je tiens beaucoup à cette émission. Ouais, je comprends, Walid, moi aussi. Alors, il faut que l'émission soit grande et humble. On travaille quand même avec France Inter. Pourquoi tu ris? Je sais pas, il y a France et humble dans la même phrase. C'est normal, ça? Bon, alors attention, attention. On va partager quand même l'antenne avec Charline et Alex. Ouais, justement, est-ce que France Inter profiterait pas des attentats pour les garder, pour nous les remballer, franchement, pour toujours? Salut les Belges! Salut les faux français! Faux français, ouais, bon. Ouais. On est content de bosser avec vous. Bah, nous aussi. Ah, salut Guillermo, salut Willy. Mais ça te dérange pas si je t'appelle Willy? Ok, enfin moi ça me va, Ali. Ouais. Non mais parce que Willy, il aime bien ça comme prénom. Moi aussi j'aime bien Ali comme prénom. Ali, bon, c'est pas ça qui est important de toute façon, hein. Non. Je veux pas de dispute, hein. Je vous rappelle la devise de la Belgique. L'union fait la force. Voilà. Alors on doit faire une belle émission. Exactement, 2 heures de rire et d'intelligence pour contrer les djihadistes. Non mais ça va. Mais pourquoi vous riez, les gars? Enfin... pas, intelligence et djihadistes dans la même phrase, ça va pas. Et il est marrant cet Ali. Ouais, bah merci Willy. Oui, bah là c'est bien clair, l'union fait la farce, c'est sûr. Bonjour la France Inter. Bonjour la RTBF une fois. Et bonjour Bruxelles. Merci de nous accueillir. Le Manneken Pis et la Tour Eiffel se sont donné rendez-vous en terrasse ici à Bruxelles devant une bière. Et un verre de thé aussi. Bien sûr. Car puisque le malheur nous accable, avalons la douleur, c'est le but de cette émission. Pendant 2 heures, nous allons célébrer l'humour, la musique et l'amitié, tous ces plaisirs simples qui nous permettent d'affronter la réalité. Et je peux vous dire qu'on est prêt à en découdre. Ah. Et pour m'aider dans cette tâche, voici Walid, mon homologue de la RTBF. Ah, Charline, notre femme de méninges de France Inter. Vous pouvez applaudir Charline. Renoulaker. Bienvenue dans ce qui sera aujourd'hui le Presque Club Dorloté. Oui, l'Union fait la farce. Une émission, deux équipes, la première et France Inter, unies dans cette journée mondiale de la procrastination. Objectif donc, ne pas remettre à demain le bien qu'on peut se faire aujourd'hui. Alors à ceux qui pensent que par leurs actes, le vivre ensemble s'effrite, que la mayonnaise ne prend plus, hein, bien ensemble on va vous démontrer que c'est vous, messieurs les barbares, oui, c'est vous qui êtes les dindons de la farce. C'est vous rappelez au besoin par où on l'a fait rentrer, n'est-ce pas Alex? Bon, merci de m'avoir alpagué. Ah, oui, mais... pour pas dire autre chose. Oui, voilà. Alors Alex, qui nous accompagne aujourd'hui? Alors je vous présente les équipes en vrac et par ordre d'apparition. Alors je lui ai demandé ce matin sa caractéristique distinctive dans l'équipe de Walid. Elle m'a répondu, je suis le vagin de l'équipe. Je me suis dit, c'est bon, on est en Belgique. Bonjour Cynthia Isarelli. Bonjour Alex. Et de quoi on va parler? On va parler plein de choses, mais on va surtout positiver, ce sera le mot d'ordre. On va positiver, c'est pas mal. Il est en direct de Normandie où il joue ce soir, sauf qu'hier, il a passé sa journée à Bruxelles. Et lui, c'est certain, il s'est radicalisé en Belgitude. Est-ce que Guillaume Meurice nous entend? Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui! Bruxelles vous applaudit. Alors, comment c'était cette journée en Belgique? C'était formidable. Effectivement, je suis à Rouen parce que j'anticipe les prochains attentats qui auront lieu à Rouen, normalement, le mois prochain. Très bien. Eh bien, je continue ma présentation. C'est l'humoriste belge qui monte. Autant vous dire que ça m'inquiète énormément parce qu'en plus, il est plus beau que moi. Le Justin Bieber de la vanne de qualité. Bonjour, Guillermo Guiz. Bonjour, Alex. De quoi on va parler? On va parler de... on va parler de nos amis belges et de nos voisins français. Très bien. Il est en Belgique pour venir prendre une leçon de cinéma et pour venir nous donner une leçon de chronique. Ne regardez pas ailleurs, c'est vous Hippolyte Girardot. De quoi on va parler? Un petit truc avec un ami belge. Un hommage à Bruxelles. Très bien, vous avez d'autres amis belges que nous, on va regarder ça. En Belgique, on dit que boire une bière équivaut en valeur nutritive à 2 tartines. Et depuis, elle n'a jamais autant aimé le pain de mie. Bonjour Juliette Arnaud. Moi, je suis là, absolument à contribuer à l'union entre les peuples. C'est pourquoi je vais vous démontrer que Georges Simenon est français. Très bien, ça va nous aider. Lui, il est de Charleroi. Et depuis qu'on parle de Molenbeek, ça lui fait beaucoup de bien, puisque Charleroi n'est plus considéré comme l'endroit le plus dangereux de Belgique. Bonjour Manu Di Pietro. Bonjour Alex. De quoi on va parler? Eh bien, on parlera de tous ces titres qu'on n'a pas entendus. Ah, c'est bien malheureux. Et il y aura aussi celui que les Français connaissent comme étant le plus grand joueur belge. Oui, alors son physique le trahit, ce n'est pas le plus grand joueur belge de basketball, mais le plus grand joueur belge de jeu télé. C'est lui, Christophe Bourdon. Bonjour, voilà quoi j'en suis réduit. Mais vous avez tellement de caractéristiques, de quoi on va parler? On va parler des conséquences des attentats, je pense que ça ne sera pas très drôle malheureusement, je m'en excuse à l'avance. C'est pour ça qu'on vous avait invité. N'est-ce pas? Et en plus, il est venu les mains dans les poches, mais c'est normal, ça fait 35 ans qu'il bosse à la RTBF. Bonjour Raoul Reyers. Bonjour. Moi, je suis payé pour venir tous les jours, donc je viens tous. C'est très bien, et on est très content que nos impôts servent à ça. Et bien sûr, il sera là en fin d'émission, on a mis Frédéric Fromet dans nos bagages, vous dire si on a voyagé léger. Et il chantera vers 17h10. En direct de Bruxelles, depuis le studio 4 de Flagey, l'ancienne maison de la radio, au programme de la musique, de l'amour, du partage, du rire, bref, de la vie, Charline. Oui, de la ville sont venus nous faire du bien et de la musique en vie, la musique live, que du belge et même du belge international. Célassio est avec nous et elle viendra nous apaiser. Il y aura aussi Jean-Luc Fonck, la quintessence de la belgitude en chanson. Là. Et Balogi, l'une de nos dernières révélations en matière de musique urbaine. Et puis pour réfléchir, pour rire et bien justement avancer dans cette vie, aujourd'hui on se pose pas mal de questions autour de cette table. Le papa du chat, Philippe Gueluc, sera avec nous également. Mais dis donc, je rappelle que nous sommes en direct de Flagey, au cœur de Bruxelles, en direct. Et donc si vous passez par Flagey, n'hésitez pas, les portes sont ouvertes jusqu'à 18h. Venez remplir cette salle qui est déjà bien remplie pendant 2 heures. On va tenter de mettre d'autres mots que ceux qu'on entend toujours le lendemain d'un attentat. Et on va se faire du bien. Mais si nous sommes là, c'est aussi pour partager notre sidération, notre chagrin et notre colère. Walid, on va prendre 1 minute, là maintenant, où on va consacrer toutes nos pensées aux victimes des attentats de Bruxelles et de Paris, aux personnes disparues et aux blessés. 1 minute pour toutes les victimes des attentats à travers le monde, aussi en Turquie, au Burkina, en Irak, et j'en passe tellement parce que la liste est devenue tellement longue. Aujourd'hui, nous sommes donc mobilisés au-delà des frontières pour donner du baume au cœur aux personnalités, plaisanter envers et contre tout, envers et contre ceux dont l'idéologie ne nous aura réduit au silence que l'espace d'une minute. Et comme aujourd'hui, nous avons décidé de ne pas faire comme tout le monde, je vous invite à vous lever et à applaudir le plus longtemps et le plus fort possible. Merci, voilà un petit peu le ton qui est donné pour cette émission. On va accueillir Célassio. Bonjour Célassio, merci d'être là. On vous laisse. Célassio, en direct sur France Inter et sur La Première pour cette émission spéciale L'Union fait la farce. Show your light, no matter what I do. You're keeping up your guard, you like to wear your heart, yeah. You want to stay ashore and never ride the wave. But if you take that dive, you know that you're alive, yeah. But you just wanna take things slowly. You just wanna seek in silence. But if you're gonna be sad, you'll see. Hey, I'm happy that you do feel something. Be happy that you do feel something. And if you're gonna be mad at me, hey, I'm happy that you do feel something. Be happy that you do feel something. I want to keep you close, no matter what you say. I won't speak too loud to make me understood, yeah. You'll open up someday, admit you're feeling it all. And I'll be here to face the darkness of the night, yeah. You just wanna take things slowly. You just wanna seek in silence. But if you're gonna be sad, you'll see. Hey, be happy that you do feel something. Be happy that you do feel something. And if you're gonna be mad at me, be happy that you do feel something. Be happy that you do feel something. 'Cause love's too short. How do we know where to go, where to go? But I don't want to see you hurting. I just want to make you smile. But if you're gonna be sad, you'll see. Hey, be happy that you do feel something. Be happy that you do feel something. And if you're gonna be mad at me, hey, I'm happy that you do feel something. I'm happy that you do feel something. Do feel something. Do feel something. Do feel something. Do feel something. C'est Lassou, en direct de Bruxelles, France Inter, la première, l'Union fait la farce. Charline. Merci, c'est Lassou. C'est Lassou qui est touché par la grâce et qui nous touche. Merci. À tout à l'heure, c'est là parce qu'on va évidemment retrouver c'est Lassou pour un deuxième live à la fin de cette émission. Cette émission qui commence avec un peu d'émotion. Beaucoup d'émotion. Mais beaucoup même. Mais on vous promet de passer un bon moment ensemble où on va rire, on va mettre d'autres mots sur les choses. Parce que c'est important, évidemment, de le vivre aussi ensemble, entre Français et Belges. D'ailleurs, on a tous nos chroniqueurs de l'émission de la RTBF, c'est presque sérieux, qui sont avec nous. Et nos collègues et amis, confrères de, si tu écoutes, j'annule tout, de France Inter. Alors, pour eux, est-ce que vous avez envie de rire aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de rire ici à Bruxelles? Ah, c'est un oui franc et massif. Alors, c'est déjà une bonne chose. On peut faire peut-être un petit tour de table avant d'entrer dans le vif de l'émission. Peut-être du côté d'abord des Français, on a avec nous Hippolyte Girardot et Juliette Arnault, qui ont pris le Thalys, qui sont venus tout à l'heure. Avec, il a failli y avoir quelques embûches parce qu'il y avait quelques problèmes sur la voie, mais vous êtes bon, là. En fait, on m'a pris pour Alexandra Lamy, donc on est passé. Juliette Arnault, on a vécu ensemble à la radio, à l'antenne, évidemment, des lendemains d'attentats. Encore une fois ici, cette fois à Bruxelles, vous avez fait le chemin inverse. Vous êtes venu épauler les Belges. Alors, je ne sais pas si on peut... Eh bien, charge de revanche, hein, les mecs. Voilà, je crois que c'est... De nombreux Belges étaient venus au lendemain. Non, mais moi, je demande qu'à être épaulé ce soir, moi particulièrement. Voyez-le. Oui, Hippolyte Girardot, peut-être un petit mot. Ouais, vous êtes venu de Paris. Je trouvais ça carrément paradoxal et drôle, il y avait un problème d'aiguillage. Voilà, ils n'arrivaient pas à nous aiguiller jusqu'ici. On est resté 3 heures dans la gare du Nord. On n'arrivait pas à nous aiguiller jusqu'ici. Je trouvais ça fantastique. On n'arrive pas à être aiguillé. et pour une fois, on a moins envie de râler parce qu'on relativise les choses, évidemment. Et puis des sujets que nous allons aborder, ma chère Charline, 3 sujets qui nous permettront de réfléchir, de sourire, d'être impertinent. C'est un petit peu notre mission. Oui, parce qu'on a vécu différemment les choses. Hein. On verra tout à l'heure le lendemain des attentats. Les Parisiens étaient dans la rue, Juliette Arnault était en terrasse devant une bière, vous voyez. Et puis à Bruxelles, Walid, ça s'est passé un petit peu différemment, bien qu'il y ait une marche demain qui est organisée. Oui, c'est vrai, une marche dimanche à 14h30, oui, effectivement. C'est vrai que nous, en Belgique, on a eu une autre façon de percevoir les attentats. Quand ça s'est passé en France, tout s'est arrêté chez nous. On a arrêté l'école, on a arrêté les transports en commun. le lendemain de nos attentats, on a continué à vivre. Et donc ça c'est beau, et ça c'est la Belgique. Donc merci à vous les Belges de continuer à vivre. On a sans doute chacun des leçons de chaque pays à tirer. C'est vrai qu'on parle la même langue, mais cette même langue parfois nous sépare. Du côté des chroniqueurs de la RTBF, tiens, par exemple Guillermo Guise, cette émission commune entre la RTBF et France Inter qui est tout à fait exceptionnelle. On s'est mis à l'unisson depuis hier soir. Alors, bravo, hein, belle initiative. Je suis très heureux. Mais globalement, Guillermo, ça commençait mal parce que cette nuit à 3h du matin, j'étais dans un resto à boire du limoncello sur Cool and the Gang. Enfin, j'essayais de. Non, c'est vrai, ça commençait mal. Je me dis, je vais pas le faire. Ça va pas le faire. Et c'était puis, votre finalement... manière, c'était votre exutoire. Ouais, je bois. Clairement, depuis mardi, je bois beaucoup des quantités astronomiques. Vous savez que le CSA est dans la salle, hein, mais. Mais on est en Belgique. Mais le temps que les renseignements du CSA belge arrivent au CSA français, a priori, on est tranquille. Et ben voilà, je pense que vous avez amorcé ce qui s'appelle une vanne. Oui, c'est un bon début. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est une tradition dans l'émission de France Inter. Alors chez nous, Walid, on a le presque 17h17, c'est un journal d'actualité sérieuse. Vous avez quoi, vous? Il y a déjà le mot presque chez vous qui m'intéresse. Chez nous, on a le pendant ce temps-là. Oui, le pendant ce temps-là, voilà. Ouais. Et ben on va faire Ça tombe bien parce qu'il est 16h21 à Paris et à Bruxelles. Donc pendant ce temps-là, à presque 17h17. Moi, aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, on parlera notamment dans cette édition d'Alain Juppé et de Johnny Hallyday. Ah oui, deux idoles des jeunes. Effectivement. Et il y aura des brèves. Oui, oui, parce que j'ai fait la compta. On vous doit un ivre virgule. Ah oui, c'est celui d'hier. Et on commence par Alain Juppé qui s'oppose à la venue de Tariq Ramadan à Bordeaux. Non mais pourquoi vous riez là? Non, c'est marrant, c'est les mots Ramadan et Bordeaux dans la même phrase, ça sent le blasphème déjà. Ah, c'est vrai. Alors passons à une page terrorisme. Oui, hier, suite à une descente de police à Argenteuil, un attentat aurait été déjoué. Oui, la police a interpellé un terroriste présumé appelé Reda Cricket. Oui, bien joué de la police parce qu'il allait se faire sauter. Mais comment vous savez ça? Un type qui s'appelle Cricket, c'est prévisible. D'accord. Passons à une page belge. On a appris ce matin qu'un policier de Malines disposait de l'adresse de Salah Abdeslam depuis le 7 décembre. Alors Raoul, vous êtes en duplex du commissariat de Malines. Vous m'entendez, Raoul? Je vous entends bien. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas donné, ce numéro? D'abord, bonjour. Bonjour. Il y a plusieurs hypothèses, Walid. Alors la première hypothèse, on lui aurait demandé de trouver l'adresse, mais personne ne lui avait dit qu'il fallait la donner. Ouais. Deuxième hypothèse, il n'a jamais voulu communiquer l'adresse parce que le nom de la rue était en français. Et lui, il est quand même de Malines, donc un peu flamand. Et la troisième, il voulait faire la surprise à son chef comme cadeau de Noël. Son chef était parti au sport d'hiver. Ouais, évidemment. Peut-être que Michel Sapin avait raison, en fait. Belgique toujours, oui. Johnny Hallyday n'annulera pas ses concerts à Bruxelles. Non, il paraît même qu'il chantera une chanson hommage. Allumez le feu. Non, je pas une chanson hommage aux forces de l'ordre. Non, il chantera une chanson hommage aux djihadistes. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Très bien, alors passons plutôt à l'international. Et pendant ce temps-là, Donald Trump qualifie la Belgique de désastre. Alors, Dodo la tonsure, oui. C'est désastre, c'est en un mot ou en deux mots? Walid, je n'ai pas compris. Voilà, c'est de l'humour belge. Et on termine par des brèves. Ah, Walid, vous savez, la passion de Charline, c'est les brèves. C'est pas vrai. Oui, et donc je vais lui laisser dire la première. Passion bien, bien enfouie. Hein, ça, une mère dépense plus de 50 000 euros en chirurgie pour ressembler à sa fille. Quand on pense que ça n'a rien coûté à Marine Le Pen de ressembler à son père. Et le ivre virgule, Alex, c'est cadeau, je vous le laisse. Ah, ivre virgule, elle appelle la police car on lui a volé 1,3 kg de cannabis. Et c'est bien normal de boire un petit coup pour se remettre du fait qu'on n'a pas le droit de fumer. C'est la fin du journal de presque 17h17 à 16h24. C'est donc bien la preuve que nous sommes à Bruxelles en direct en Belgique. En direct en Belgique avec France Inter et sur la première, une émission spéciale, l'Union fait la farce. Et bien, premier billet avec du haut de son talent aiguille. Et n'hésite jamais d'ailleurs à faire une petite piqûre de rappel. Là où ça fait mal, c'est Cynthia Isarli. Et n'en déplaise aux pourfendeurs de clichés, chaque peuple a son trait de caractère distinctif. Et nous, Belges, eh bien, sommes foncièrement optimistes. Alors aujourd'hui, je vous invite à positiver un cran plus loin avec notre sœur sourire à nous. Oui. Française, français, belge, belge. Dans ma grande belgitude, aujourd'hui, j'aimerais vous sortir du misérabilisme dans lequel vous avez tendance à vous complaire. J'aimerais vous prendre par la main pour vous aider à voir tout ce que cet après-attentat peut avoir de beau et de bon. Dans son discours sur la nation, Ernest Renan disait « La souffrance en commun unit plus que la joie ». Alors sans en faire un principe de vie, hein, il est vrai que les événements les plus regrettables peuvent déboucher sur de belles choses. Notre tentative d'émission de ce jour en est une, la tentative de démission de notre ministre de l'Intérieur Yann Yambon en est une autre. Mais le terrorisme, c'est d'abord une bonne nouvelle pour l'emploi. À chaque attentat, oui, c'est une nouvelle chance pour un graphiste amateur de sortir de l'anonymat de sa chambrine, grâce à un dessin qui fera le buzz. À chaque drame, ce sont quelques deniers de plus dans l'escarcelle des youtubeurs qui, n'écoutant que leur courage et leur régie publicitaire, se fendent d'un message engagé du style « Le djihad, franchement, c'est trop cool. Faux !» Et puis, ne l'oublions pas, chaque deuil national est aussi une opportunité pour Francis Lalanne d'amortir sa webcam achetée chez Carrefour en 2001. Mais les attentats sont aussi une bonne nouvelle pour les gens comme moi qui détestent les files d'attente. Oui, depuis une semaine, je fais mon shopping dans une paix royale. Et puis, il y a toute cette chaleur humaine, hein, tous ces likes sous mon safety check sur Facebook, tous ces messages de gens que j'ai croisés une fois dans ma vie, mais dont je suis le seul contact qui habite Bruxelles. Oui, parce que c'est devenu chic, hein, d'avoir un pote qui habite la capitale. Ça fait un truc à raconter après le journal télévisé. Et enfin, ces attentats sont surtout une bonne nouvelle, oui, pour le tourisme. Après Londres, après Paris, Bruxelles rejoint enfin le triangle d'or des villes survivantes. Et ça, ça c'est glamour. Alors bon, oui, à Paris, vous vous en foutez, hein, le glamour c'est vous qui l'avez inventé. Mais nous, ici, avec nos 200 mètres de rue piétonnière en guise de Champs-Élysées, bah, on ramait. Alors que là, bah, c'est bon, ça y est, on est au cœur de l'actu, on a la cote, la preuve, Charline, Alex, vous êtes là. Et faire revenir des Belges qui ont réussi à Paris, croyez-moi, c'est encore plus dur que faire revenir un gamin de Syrie. Hein. Même la menace de déchéance de nationalité, ça marche pas. Et c'est pas faute d'avoir essayé. C'est un coup bas. C'est scandaleux. Non, non, si on y regarde de plus près, un attentat, c'est un peu comme gagner au loto. Ça vous tombe dessus sans crier gare. Ça fait de vous le centre du monde. Ça change tout. Et ça fait un peu regretter le temps d'avant aussi. Alors souriez et faites vos jeux parce que de toute façon, ça fait très longtemps que rien ne va plus. Cynthia Isarli. Merci Cynthia. Est-ce que Cynthia, vous nous faites du bien en mettant d'autres mots sur la réalité qu'on connaît? Est-ce que vous, ça vous fait du bien aussi? Est-ce que ça vient des tripes, le genre de billet de papier de chronique qu'on écrit dans ces conditions-là? Mais oui, c'est assez cathartique en fait, parce que quand il se passe ce genre de choses et quand on fait le métier qu'on fait, on se rend compte à quel point c'est à la fois difficile et important de pouvoir faire le clown pour les gens qui souffrent finalement et de réussir à leur faire penser à autre chose. Alors Guillermo, il boit depuis mardi. Moi, depuis mardi, je range. Et quand on me connaît, on se rend compte que c'est pas normal. Donc oui, écrire ce genre de choses, ça fait beaucoup de bien. Alex, j'ai une autre question, à Cynthia. Avec autant de talent, qu'est-ce que vous foutez encore en Belgique? Elle est bien, la RTBF. Non, mais je sais, oui, j'y bosse encore, mon vieux. Alors, dans cette émission, on pourrait l'appeler « Si tu es écoute, j'annule presque tout. » Rien. Ou alors, si tu écoutes, c'est presque sérieux, j'annule tout. Très bien. Vous voyez, on a beaucoup bossé depuis ce matin. On est donc en direct, en public. On aimerait vous entendre à Bruxelles. Sachez que si vous passez du côté de la place Flaget, c'est au cœur de la capitale européenne, eh bien, n'hésitez pas, les portes sont ouvertes jusqu'à 18h. Vous pouvez aussi nous suivre sur franceinter.fr, bien sûr. Sur lapremière.be. Sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on a inventé comme hashtag ce matin, alors, Walid? L'Union fait la farce. Alors, on a des rois du hashtag. Donc, on va demander. On va en trouver un d'ici 18h. On fait la farce, voilà. Par exemple. Voilà. Allez, dans cette émission, on a aussi voulu débattre parce qu'on n'a pas vécu les les choses de la même manière. Parfois, il y a des antagonismes assez révélateurs, parfois amusants aussi. Alors, on va aborder le premier point de vue. Il y en aura trois pendant ces deux heures. Parlons d'abord de la façon dont on a vécu les lendemains des attentats. À Paris, nous sommes sortis dans la rue, en terrasse, à boire des bières et à se manifester physiquement sur le pavé. À Bruxelles, on a été moins démonstratifs, même si dimanche, une marche est donc organisée à Bruxelles. Les Français trouvent notre réaction un peu curieuse. Il faut dire qu'un ministre en France, Michel Sapin, trouve que les Belges ont été naïfs. Oui, c'est pour les autorités. Il est revenu sur ce qu'il a dit, il regrette. Alors, est-ce qu'on peut résumer l'antagonisme entre un Français et un Belge à cette scène? Alors j'ai voulu prendre un casse dalle, tu vois, et je leur ai même proposé de leur payer le café. Ben, ils ont pas voulu, ils ont dit qu'ils étaient trop crevés. Ouais, bien sûr, t'es descendu, t'as laissé les clés sur le camion. Je pouvais pas prévoir que ça serait de flipper, hein. Ils ont démarré aussi sec. Avec le chargement aussi? Ben quoi, j'allais pas descendre tout le chargement pour aller boire un café. T'es déjà rentré, toi? Ah oui, j'étais super vite parce que j'ai eu un petit problème. Grave? Grave, non, non. Kiki, non. Ah bon, bah tu m'expliqueras ça tout à l'heure, je vais prendre une douche et dormir une demi-heure. C'est quoi grave pour toi? Quoi, il n'y a pas mort d'homme. Daroussin, dans le rôle du Belge. Clavier, Lanvin, dans Mes meilleurs copains. Une manière d'illustrer cet antagonisme. Alors, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, expliquer aux Français l'attitude des Belges au lendemain des attentats? Christophe Bourdon, peut-être, est-ce que vous avez une théorie là-dessus? Je pense que ça ne s'explique pas, ça se vit. Venez chez nous, tout simplement. Enfin, surtout ceux qui ont de l'argent, en général. Est-ce qu'on peut reprendre les choses par la base, expliquer qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Donc à Paris, il y a eu beaucoup d'attroupements, de bougies allumées au pied de la statue de la République, place de la République. On disait on va résister en buvant une bière. En Belgique, le problème, c'est qu'on boit de la bière tous les jours, toute l'année. Donc pour résister, il faudrait qu'on boive un verre d'eau. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des gens dans la rue ou pas? Christophe. Moi, à ma petite échelle, j'ai appelé Cynthia pour qu'elle vienne ranger chez moi, mais elle n'était pas venue. Non, il faut quand même dire que les attentats de Paris, c'était un soir. Donc, il y a eu une nuit derrière qui a été terrible pour tout le monde. Ici, c'était un matin. Donc, la journée a continué. Et les Belges se sont appropriés cette place de la Bourse. Ouais. C'est une surprise même pour moi en tant que Bruxellois. Parce que autant la place de la République, ça avait une signification pour les Français. C'est évident, en fait, évident. Place de la République. Une place de la Bourse qui a d'ailleurs été presque rebaptisée place de la Liberté chez nous. Ah, entre la Bourse et la Liberté, ça y est. Ouais, Raoul Reyers, est-ce que vous avez une théorie là-dessus? Oui, j'ai surtout la théorie que le piétonnier a enfin servi à Bruxelles. Voilà. Qui est quand même exceptionnel. Faut expliquer aux Français. Oui. Alors Raoul, allez-y expliquer. Alors, cette particularité belge. On avait une magnifique avenue en pleine ville qui traversait tout le centre-ville et on l'a transformée en piétonnier. Voilà, c'est comme si on décidait de changer les Champs-Élysées en piétonnier oui. À l'année. Voilà. Il n'y a pas vraiment de réponse en fait. Est-ce que à Bruxelles, bon, je dis de ma théorie, hein, il y a un lien peut-être social qui est plus fort parce que la ville est un peu plus petite. Je dis pas qu'on circule pas facilement parce que c'est pas vrai, mais les appartements sont plus grands, on a l'habitude de s'inviter les uns les autres. Absolument, oui. Et de se voir beaucoup plus. Donc, quand il se passe ce genre de choses, on invite les amis à venir manger un spaghetti bolo à la maison et on est entre micro-cellules. Tandis qu'à Paris, il y a plus peut-être d'individualisme, Juliette Arnaud? C'est-à-dire qu'on vit dans des studios du mètre carré, on sort. Donc, on va à Place de la République pour picoler, ouais. Voilà. Alors. Je voulais simplement rebondir sur ce fait. C'est vrai que voilà, Bruxelles, c'est petit, c'est un peu un village. Donc, on a 50 personnes qui sont touchées dans des attentats. C'est énorme à l'échelle de la ville et puis à l'échelle de la proximité qu'on a ici. Et c'est vrai qu'on a plus eu, je pense, ce réflexe de se réunir les uns les autres et de se rendre service, finalement. Walid, on sait quelque chose. Oui, c'est vrai. Faites ça entre vous dans l'équipe, vous. Non, Alex, non, vous prenez des notes. Comment est-ce qu'on se rend utile, finalement, voilà. Et comment est-ce qu'on peut s'entraider les uns les autres dans des moments comme ça, aussi tragiques? Eh bien, c'est ce qu'on tentera de... Ce sera le deuxième sujet. Et on en parlera tout à l'heure. Le temps pour nous de faire une petite pause musicale, Charline. Allons-y. Avec l'excellent, le magnifique... Ah, le beau gosse, on peut le dire quand même. Ils sont beaux, ils sont sapés, ils sont magnifiques. Ici, depuis Bruxelles, dans cette ancienne maison de la radio, depuis Flaget, pour une émission spéciale conjointe entre France Inter et La Première, l'Union fait la farce. Un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Balogi. Dis-moi boulou, dis-moi boulou, désir. Des faits de surprise dans l'intrigue de la nuit. Ouais, c'est toi que je vise. Spoiler, espèce, envoie l'apparition. Teaser pour les repris de justesse. Épuisé d'excès pour les noceurs. Nuisance sonore, depuis qu'on parle sur un dance floor. Spoiler, Zika va souci, Zika va boulou. Zika va souci, Zika va boulou. Spoiler, Zika va souci, Zika va boulou. Zika va souci. Puis trois peines à jouir, pas trois pour ne rien dire. Blasé, blasé, qu'est-ce qui est pire? Renoncer ou bien consentir? Je sais que tout s'estompe quand les masques tombent. Knack knack, en bout de piste. Cette nuit s'achève sur un twist. Spoiler, Zika va soucier. Zika mon boulou. Zika va soucier. Zika mon boulou. Zika va soucier. Zika mon boulou. Spoiler, Zika va soucier. Ne viens pas gâcher mon plaisir. Ne viens pas gâcher mon plaisir. Zika mon tombe, si t'as pas des combinaos. Les coups, les briquets font parler la poudre. Dans ce club, tel un thermos, on fait partie des meubles à force. J'suis venu marcher du réel, compter 36 chandelles, tranquillisant dans le gobelet. Trouver des illusions rabais, spoiler. Zika va souci, Zika mon boulou. Zika va souci, Zika mon boulou. Zika va souci, Zika mon boulou. Bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, bouyébé, Balogi, l'orchestre de la Katouba. À quel plaisir. Balogi, merci d'être là avec nous en direct sur la RTBF et sur France Inter. De nous dire un petit mot peut-être, expliquez aux Français peut-être qui êtes-vous. Balogi, artiste, compositeur, d'origine congolaise et belge et fier de l'être. C'est ça, je me disais aussi, parce qu'ils sont noirs, vous ne le voyez pas chez vous. C'est la radio, donc on ne voit pas, mais ils sont. Voilà, c'est ça. Je vous remercie d'être là. Ce soir, vous jouez à Louvain, donc c'était compliqué de venir, mais vous avez tenu à être là. Si on veut se procurer, vous écouter à la maison, c'est 64 Beats and Malakit. C'est tout à fait ça. Et on vous retrouve tout à l'heure. Très bien. Moi, c'était bien. Si vous êtes loulou, si pas un tapouchi, si vous êtes loulou. Vous êtes bon, Walid. Ah, c'est pas mal, ça, comme morceau. Vous êtes congolais, vous aussi, hein, Walid. Écoute, je suis un petit peu, effectivement. Alors, donc, nous sommes à Flagey en direct. Vous avez compris qu'on avait envie de se faire plaisir. On a donné le ton avec Balogi pour la fête. La fête, avec lui, elle est particulière. C'est ce qu'on appelle chez nous le moment Meurice, Alex. Oui. Est-ce que les Bruxellois, vous connaissez Guillaume Meurice? Il connaît surtout le chocolat. Bon, ben, Guillaume, vous êtes avec nous et vous n'êtes pas du tout un inconnu. Est-ce que c'est parce que hier, vous avez foutu un sacré boxon dans notre ville? Alors, c'est vrai, Alex, que je me suis pas mal baladé. Alors là, je suis en direct de Rouen, hein, pour ce duplex. Alors, vous allez me dire, pourquoi Rouen? C'est vrai que c'est plutôt calme en ce moment, hein. C'est une ville qui est surtout connue pour deux événements dramatiques dans l'histoire de France. La crémation de Jeanne d'Arc en 1431 et la naissance de François Hollande en 1954. Et vous allez me dire, mais là, concrètement, aujourd'hui, il se passe rien. Eh bien, permettez-moi de vous dire que vous n'avez rien pigé à l'information. S'il ne se passe rien, ça n'empêche pas de parler quand même. Moi, j'ai tout appris hier, car je suis effectivement allé à Bruxelles et j'ai interrogé les chaînes d'infos en continu qui étaient postées devant la fameuse station de métro de Malbec. Alors on commence avec Baptiste Maton, il est journaliste pour iTélé. Comment se passe une journée devant la station de métro ? Une journée devant la station de métro, eh bien, il se passe pas énormément de choses, mais par contre, on a des choses à raconter. Et voilà, parce que l'idée, c'est de raconter des trucs, hein, même s'il se passe absolument rien. Et croyez-moi que devant la station de métro de Malbec hier, il se passait strictement que dalle. Alors, pour quelle raison restait-il devant à faire des duplex ? Pour ce qu'on appelle, en termes de chaîne d'information, si je puis dire, incarner cette nouvelle information, c'est-à-dire que le reporter vient devant les lieux et raconte les informations dont il dispose. Mais vous seriez pas mieux au chaud ? On serait évidemment mieux au chaud, mais bon, on a la chance de pouvoir aller boire un café, puisque sur une chaîne info, ce qui est formidable, c'est qu'il y a un journal toutes les 30 minutes, donc vous disposez de 20 minutes entre deux pour éventuellement aller prendre un café et chercher évidemment d'autres informations. Évidemment, chercher d'autres informations au café. On me signale qu'Albert Londres vient de décéder une deuxième fois. En même temps, c'est vrai que c'était un gros ringard à Bébert, il faut quand même l'avouer. Il n'avait absolument rien par pigé. Le public de Plagé. Ah. Vous êtes gentil. Merci pour Albert, merci pour lui. Mais il avait rien pigé hein, au journalisme, Albert. Parce que le journalisme, c'est comment, Baptiste ? Honnêtement, c'est passionnant. Hier, on était place de la Bourse, il y avait plein de choses à raconter. Des gens qui chantaient, des gens qui priaient. On a fait des gens qui donnaient des câlins gratuits. À chaque fois, vous trouvez une situation différente. C'est là où c'est intéressant aussi dans la chaîne Info, c'est que vous faites vivre ce qui se passe en direct aux gens. Et oui, c'est ça qui est passionnant. On fait des breaking news sur les câlins. On parle du massacre, bien sûr, mais pas celui des attentats, celui d'une reprise de John Lennon à la guitare acoustique et au djembé. Et c'est absolument passionnant tout ça. Et iTélé n'a pas le monopole, hein, bien sûr, de la passion de l'info. Il y a aussi des chaînes étrangères, beaucoup. Par exemple, Sky TG 24, c'est une chaîne d'info italienne. Alors qu'est-ce qu'ils étaient venus filmer ? On fait voir les fleurs, on fait voir la police devant les métros. Et s'il y a des gens qui passent pour laisser leurs fleurs, on va voir s'ils ont envie de parler à la caméra. Génial, génial. Et je les ai vus faire, c'est fabuleux. Ils ont demandé à quelqu'un qui pleurait, est-ce que vous êtes triste ? Alors, évidemment, la personne interrogée a répondu avec son cœur, hein, je cite, « Va te faire enculer avec ta caméra ». C'est ça hein, aussi les joies du journalisme de terrain. Bien évidemment cette personne qui a eu le bon réflexe. Alors dans le domaine, hein, les plus balèzes on les connaît, c'est BFM TV, évidemment. BFM dont j'ai interrogé le caméraman, qu'est-ce qu'il filme ? Là, plus grand chose puisque la police est même partie maintenant. Donc bon, il y a une rue qui circule et des barrières de police et des fleurs. Donc c'est un peu, oui, c'est un peu calme, mais bon. Vous arrivez à faire un cadre quand même avec ça ? C'est un peu compliqué, ça fait deux jours là, ça retombe un peu au niveau. C'est vrai qu'on se fait un peu chier là finalement. On peut pas dire ça, enfin non, bah, quand même pas, mais il peut se passer des choses, il peut y avoir des gens qui viennent, il y a des minutes de silence qui vont s'organiser, je crois. Voilà. Voilà, ouais, c'est vrai que quand même dans l'ensemble on se fait quand même chier, hein, faut bien l'avouer. C'est vrai qu'il faut pas avoir le vertige, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de vide qui sépare les chaînes d'infos en continu de l'information. Pour conclure, retournons voir Baptiste Maton d'iTélé pour lui poser une dernière question. Est-ce que vous êtes expert en quelque chose, en terrorisme ou en métro peut-être ? Moi je suis expert en duplex peut-être. Voilà, il est expert en duplex, c'est ça l'astuce. Et vous savez quoi ? Moi aussi je suis expert en duplex. Alors on se retrouve tout à l'heure en direct de Rouen. À vous Bruxelles. Merci Guillaume Meurice. Guillaume qu'on retrouvera vers 17h40 parce qu'on a voulu rentabiliser sa présence à Bruxelles. Je vous rappelle qu'on aura aussi Frédéric Fromet et sa chanson vers 17h40. Ah bah oui. And now Walid. L'Union fait la farce, une émission. On le disait, deux équipes ici en direct de Bruxelles avec une invitée que je vous demanderai d'applaudir chaleureusement. Une émission cette fin d'après-midi où on a envie de vivre ensemble. Applaudissez Samia Oresman, s'il vous plaît. Samia, quel plaisir. Bonjour Samia Oresman. Alors Samia, on vous a vu énormément sur les réseaux sociaux, on vous connaît. Vous êtes une artiste engagée, une artiste qui a envie de raconter, de dire des choses aujourd'hui aux Belges, aux Français et au monde entier. J'essaye. Et aujourd'hui, je suis venue soutenir la Belgique. On vient faire un peu de tourisme. Étant franco-tunisienne, je sais ce que c'est l'après-coup des attentats. Donc, on vient filer un petit coup de pouce au tourisme belge. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle porte bien la belgitude. Oui, c'est ça. Et d'une manière particulière, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, Samia, alors on peut expliquer, vous portez alors un turban, un foulard, qu'est-ce que c'est ? Il est aux couleurs de la Belgique. Voilà, c'est un foulard aux couleurs de la Belgique, parce que je suis la musulmane gentille qui a fait la tournée des médias après chaque attentat. Il en fallait une, c'est moi qui en ai venu chercher. Rassurez-nous, il y en a plein d'autres. Oui, oui. Hein, c'est surtout ça le message qu'il faut faire passer aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes avec nous aussi. Et effectivement, c'est rappeler qu'on ne doit pas sombrer dans les raccourcis, dans les amalgames. Exactement, et donc pour ceux qui voient pas trop qui je suis, je porte un foulard vert sur une vidéo qui a fait beaucoup de buzz où je dis « Alors bonjour, c'est un petit message pour tous ceux qui se prétendent islamistes, djihadistes, pianistes, cyclistes pour commettre leurs méfaits. Alors vous êtes gentils maintenant, vous nous laissez tranquilles, d'accord ? C'est déjà difficile pour nous de vivre ici en Europe. Donc si en plus vous commencez à ramener la haine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même. Donc merci de choisir une autre religion. Au revoir. » Samia Oresman, le vivre ensemble, en direct ici à Bruxelles. L'Union fait la farce, Charline. Oui, oui, ça vient rester avec nous. On peut peut-être aussi expliquer que dans votre spectacle, alors vous portez ce foulard qui est en forme de turban un peu à l'africaine. On ne sait pas très bien si vous êtes africaine, subsaharienne ou pas. Vous jouez de cette ambiguïté un peu. Ma chérie, c'est bien, tu as corrigé. Parce que la Tunisie se trouve en Afrique. Donc toi-même, tu savais que j'allais rebondir là-dessus. Je raconte dans mon spectacle que j'ai toujours rêvé d'être noire et je rêve maintenant de devenir belge. Je suis profondément amoureuse de Bruxelles. Est-ce que la Belgique veut bien adopter Samia ? J'espère bien. Très bien. Voilà, Samia, on vous êtes d'accord. Officiellement belge. Restez c'est avec cool, nous. Papa est dans la salle, il va cautionner que je reste ici, je rentre pas à Paris, papa, ce soir, tu rentreras tout seul. La chaleur de l'accueil ici à Flagey en direct sur la RTBF et sur France Inter. Et on a dit qu'on voulait être festif, qu'on voulait se faire du bien. Vous les avez entendus tout à l'heure, Balogi. Ah, de la oui. Chaleur encore et toujours. Est-ce que vous êtes prêts à nous ambiancer encore, nous enjailler ? Hein ? Je Balogi pense que là, est prêt, on peut les applaudir. Également, le public aussi. Alors, elles sont super bien sapées, hein. Vous êtes en smoking. Un look particulier et il manque les manches ici. C'est-à-dire que le costume est encore en confection. C'est le batteur. On vous encourage à aller voir sur franceinter.fr et la rtbf.be. Balogi. Magnifique Balogi. On va vous jouer un morceau qui s'appelle I'm Going Home. Et de circonstance, j'aimerais juste dire, c'est un morceau pour les abrutis. Les Belges qui tuent d'autres Belges. I'm going home. I'm going home to see my mother. Hey now, dear. I'm going home to see my dear mother. I'm going home to see my mother. I'm going home to see my daughter. Je reviens à Lubumbashi Shabbat. Entre le jeu du Seigneur et le Shabbat, j'écris pour effacer. La musique me délivre. Pour retrouver mon pays au visage de cuivre. Marvin Gaye n'est qu'une excuse. Car sans musique, ma vie est confuse. Ni choquée. Heurté ou blessé, ceux qui m'ont aimé pendant toutes ces années. But it's been so long since I've been wrong. I never should have left home, so I was wrong. But now I see what it's meant to me. Going home to see my mother. I'm going home to see my mother. Je me dis vaut mieux ne pas savoir. Même s'il y a deux versions à chaque histoire, la mienne est pleine de bribes. Car c'est comme mon timbre, un long courrier nous sépare de la zone libre. Ce qui différencie l'innocent de la victime. Le moment opportun de l'opportunisme. Mais avant ça, je n'aurais jamais été prêt à rencontrer mes frères 25 ans après. I never should have left home, but still I was wrong. But now I see what it's been to me. I'm going home to see my mother. I'm going home to see my mother. I'm going home Didier Lécaire, Saïd Mboudou, Dixie Mangekou, Philippe Coca. Balogi sur France Inter et la RTBF. Balogi, restez avec nous. Quel plaisir, quel bonheur de partager ces moments avec des gens sincères, des gens qui respirent la joie de vivre et le bonheur, on le voit dans vos yeux. Alors on avait envie de partager. Les musiciens sont déjà en train de partir alors que j'avais envie de leur dire. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'ils jouent ce soir et c'est vrai que c'était compliqué de venir pour vous. Vous avez tenu à être là. Moi je voulais qu'on fasse un truc tous ensemble avec le public. D'accord. Le fameux Chibouliboulou. Je ne le connais pas. C'était le morceau que vous avez chanté juste avant. C'était ça. Alors on y va tous ensemble. Et le public avec nous. Attention, vous êtes prêts? Vous donnez le là. C'est tout ce que je sais faire en fait. Chibouliboulou. Attention micro, c'est parti. 3, 2, 1. Chikabasusi. Chikamaboulou. Ah c'est ça, voilà, c'est ça. Avec nous, attention. Chikamaboulou. Tous ensemble. Chikabasusi. Tous ensemble, je vous entends pas. Plus fort, Bruxelles. Allez montrer le Congolais qui est en vous. Faites du bruit, Bruxelles, attention. Chibaliboulou. Balogi qui est en tournée jusqu'au 18, vous pourrez le voir le 24 avril à Londres, figurez-vous, si vous y êtes, le 16 mai à Bruxelles, le 8 juillet à Liège. Merci d'être avec nous en direct ici à Bruxelles avec deux équipes. Il y a l'équipe de Si tu écoutes, j'annule tout de France Inter et l'équipe de... C'est presque sérieux sur la première émission que vous pouvez bien entendu retrouver en écoutant l'émission en streaming, comme on dit hein, chez les jeunes. Ou en string, comme vous voulez. Guillermo Guise, tiens, vous avez envie de revenir bien sur les différentes expressions. Nos amis belges et nos voisins français qui sont utilisés de part et d'autre de la frontière. Absolument. Donc, quand les pontes de la première m'ont appelé pour me convier à cette émission exceptionnelle en me disant « Charline et Alex aimeraient vraiment que tu participes », alors que mes sources à la Sûreté de l'État me confirment que j'étais votre 17e choix et que je ne dois ma présence ici qu'aux défections de Renaud Rutten, d'Albert Cougnet et de Tataillère. Quand on m'appela, j'ai répondu « Mais ouais, vieux, compte sur moi. Pas de problème, déjà parce que je ne voue pas à la dignité et au sens de l'honneur cette espèce de culte dont ils jouissent dans l'aristocratie des valeurs, mais aussi parce que j'ai pu poser une condition express, c'est de pouvoir appliquer aux Français qui prononceraient l'expression « nos amis belges » le combo clé de bras, étranglement des yeux, coup de la corde à linge, en criant des insultes en asiatique. Les négociations furent âpres, je ne vous le cache pas. J'avais dans un premier temps exigé de pouvoir uriner directement dans le tronc des 10 Français. Mais Jean-Paul Philippot, en personne, le grand chef de cette excellente maison publique qu'est la RTBF, a qualifié ce supplice, je cite, de « très peu radiophonique ». Donc, qu'il en soit ainsi. Mais vous voilà prévenu, chers voisins français, parce qu'ici, ai-je encore pu remarquer dans mes fils d'actualité post-22 mars, personne ne dit jamais « nos amis français ». Non, nous, on dit « nos voisins français », ce qui, géographiquement, est incontestable. On est sur une approche nordique. Hein, nos voisins français, ça pue pas les tapes dans le dos et les blagues de vestiaire, mais au moins, on n'est pas dans un rapport de domination. Domination qui induit un peu quand même l'utilisation du mot « ami ». Je rappelle à titre d'exemple que l'émission « 30 millions d'amis vient de passer à la trappe parce que son titre était, je cite à nouveau, « un peu condescendant pour les chiens ». Et que de la condescendance au sentiment de supériorité, il n'a qu'un souffle, et que de la supériorité... Alors, c'est vraiment parce qu'en ce moment, j'essaie d'arrêter le point Godwin après 14h30. Sinon, vous l'aviez le bruit des bottes. Hein. On me donnait 2 minutes pour développer mon histoire, et je finis avec les heures les plus sombres de l'histoire. Mais faut pas me chercher. D'ailleurs, faut plus nous chercher, les Belges. En général, c'est bon, là. Avec nos attentats suicides, nos terroristes, nos militaires dans les rues, nos pédophiles, nos centrales nucléaires, nos tunnels et nos diables rouges, on commence à se faire un petit nom dans le milieu du danger. Ouais. On est un peu les Tony Montana du Benelux, hein. Aujourd'hui, partout dans le monde, quand une fille annonce à ses parents qu'elle sort avec un Belge, c'est un drame. Oh non, un Belge, t'es folle, c'est des psychopathes. Faut pas les tester, promets-nous que tu seras prudente. Et on l'a payé cher et vilain, cette street credibility, les amis. Alors faut arrêter avec nos amis belges. Dorénavant, vu ce qu'on a vécu de chaque côté de la frontière, ce sera soit nos voisins belges, soit les Belges, nos frères d'une autre mère. Enfin, ou un truc plus organique, quoi. Où on sent vraiment l'amour. Enfin, voilà, si vous avez des idées autour de cette table, n'hésitez pas. Guillermo Guise. Guillermo Guise. L'Union fait la farce. Avec, dans un instant, Philippe Deluc qui nous rejoindra. Bien sûr. Alors, je voudrais voir autour de cette table, tiens, on parle toujours d'humour belge. Alex et moi-même, on ne sait pas très bien faire la différence. Ah. Surtout Alex qui est à la fois sur France Inter et sur la RTBF. Je recycle les vannes, hein, je peux le dire aujourd'hui. Juliette Arnoux, qui est une pro de la vanne. Ah, ça tombe sur vous. Ah. Est-ce qu'il y a tant de différence entre ce que vient de faire Guillermo Guise et ce qu'on peut entendre, outre ce qu'on appelle le name-dropping, c'est-à-dire placer des noms de gens que peut-être les Français ne connaissent pas, mais... Non, ça ressemble vraiment à de l'humour français, je vois pas pourquoi. Vous les aimez, vos amis belges, vous? Je ne me laisserai pas me faire insulter plus souvent. Non, je le dis directement. Je les aime autant, mes amis belges, que mes amis homosexuels, c'est dire comme je les aime. Et voilà. Et si on parlait de l'humour français, Raoul Reyers, l'humour français? L'humour français n'est pas le même que le nôtre. C'est-à-dire? C'est la même langue, non? On a connu des Belges qui sont partis en France et qui ont dû changer d'humour. Vous pensez à... Bon, je ne sais pas, il y en a plusieurs. Tu veux pas balancer. Et donc, non, je trouve que c'est tout à fait différent. Mais je ne sais pas pourquoi, je sais difficilement l'expliquer, mais c'est tout à fait différent. Est-ce qu'on pourrait débattre Raoul Reyers avec Alain Finkielkraut? Très, très très beau moment. Je sais Raoul Reyers, mais je crois que tu as tort. Cindy Zarali. Non, moi je voulais juste profiter du moment pour féliciter l'équipe technique parce que pour une émission bilingue, je trouve que le doublage est fabuleux. Je vous comprends tous vachement bien. C'est beau l'amitié franco-belge. Alors, on a importé nous du français. Après, ça ne vous dérange pas? Non, mais l'avantage, c'est qu'il va y avoir un duo. Oui. Alors, un duo entre Hippolyte Girardot, à qui je passe le micro, et présentez-nous du Belge. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Pitcho. Jacques voilà, Martin, bonjour. Pitcho. C'est mon ami belge, Pitcho. Moi, quand j'ai appris ces histoires d'attentats, quand j'ai vu ces images qui étaient très différentes de celles de Paris, parce que en plein jour, justement, et c'est vrai que ça change pas mal de choses, ça m'a fait même penser au 11 septembre, cette espèce de fumée grise, tout ça. J'ai eu un truc très sentimental qui est revenu par rapport à ma vie avec Bruxelles qui date pas d'hier du tout. Voilà. Et donc, j'étais très sentimental. Quand Charline m'a dit, on va venir en Belgique, ça m'a fait quelque chose. J'ai des problèmes d'aiguillage, comme vous disiez au début, là, parce qu'il voulait pas nous laisser partir avec Juliette. Mais finalement, on est arrivé. On est là. Et voilà, on a préparé un petit truc autour d'une chanson très emblématique pour moi de Bruxelles, qui m'a, voilà, pour moi, c'est ça, Bruxelles. Donc, c'est quand on veut. Ah, écoutez, on est tellement impatients. Hippolyte Girardot, puis Joe Wampa. Tu le connais, hein. On y va? Go. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Ah, Bruxelles. Avec ma jeunesse à l'archiduc, où je découvrais le fuc. J'entends des chants et des prières en toutes les langues venir paver tes ruelles. Ah, Bruxelles, où ma jeunesse, dans ta nuit, n'avait jamais de minuit. Tu portes toujours le parfum de la vie et l'envie de la célébrer. Ah, Bruxelles, tes jolis seins et tes belles fesses. L'envie de... le vide de laisser la mort t'a fait remplir d'amour. Ah, Bruxelles, où ta bière porte le nom du diable. En entendant des jours meilleurs, tu pleures la main sur le cœur. Bruxelles, où Verlaine tira sur Rimbaud son amant flanqué de sa mère. Demain n'est pas si loin, t'as décidé de regarder devant. Ah, Bruxelles, où Baudelaire fit naufrage à 43 ans d'âge. Tes idées portées par la colombe et bercées par le vent. Bruxelles, où les Stones nous firent fumer les joints interdits à Paris. Oh, Bruxelles. Ah, Bruxelles. Oh, BX. Oh, Bruxelles. Oh, Bruxelles. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit. Hippolyte Girardot, Pitcho Wamba. revisiter Bruxelles, ma belle, revoir Bruxelles sous d'autres yeux. Merci Hippolyte, merci Pichu Mamba. Merci Charlene. Vous restez avec nous, bien merci sûr. À vous. Et on va continuer cette aventure de l'Union qui fait la farce en direct sur la première et sur France Inter avec un invité qui nous rejoint. Je vous demande d'accueillir Philippe Gueluc. Oh, Philippe Gueluc qui va passer la deuxième heure avec nous jusqu'à 18h sur France Inter et la RTVF. Philippe, avant de repasser aux informations pour un petit flash, voudrais savoir d'abord merci d'être là, Philippe. Mais c'est bien normal. On est merci très touchés que vous soyez là. Merci d'avoir fait le déplacement. Votre parole a été rare, voire nulle, après les attentats, parce que vous aviez décidé de ne pas vous exprimer. Vous avez choisi de venir avec dites, nous. Quand vous dites vous étiez nul. Quand vous dites nul, c'est pas atterrante. Non. Enfin, on va voir. Oui, ah oui, c'est vrai. On a encore 60 minutes pour voir. Exactement. Philippe, donc on va rester jusqu'à 18h ensemble. Juste rapidement, vous étiez où, vous, le 22? J'étais... Paris ou Bruxelles? Non, j'étais à Bruxelles. Je me réveillais. Je me suis réveillé, comme tout le monde, évidemment, horrifié par les nouvelles. Je m'apprêtais à célébrer l'anniversaire du chat. Il est né un 22 mars, figurez-vous. Et maintenant, j'imagine que cette date va évoquer autre chose que cet anniversaire-là. Comme les gens qui sont nés un 11 septembre fêtent leur anniversaire d'une drôle de façon depuis quelques années. 22 mars, une date qu'on n'oubliera pas. On va en parler dans la suite. France Inter, la première en direct ici à Bruxelles. Charline. Mais place à l'information, on se retrouve tout de suite après sur France Inter et la RTB. Rebonjour la France Inter. Rebonjour la RTBF deux fois. Et rebonjour Bruxelles. Nous sommes en direct depuis Flagey, au cœur de la capitale européenne. Et on entame notre deuxième heure de direct, à la fois donc sur les ondes de la RTBF, la radio-télévision belge francophone, et les ondes de France Inter. Entre français et belge, on a décidé de parler de ce qui nous arrive, de notre union dans le chagrin. On met des mots dessus et des rires, parce qu'il y a un temps pour comprendre, on l'a vu avec le journal, et il y a un temps aussi pour se faire du bien, rire, sourire, et on a décidé de communier ensemble, et c'est faire la fête, communier. Effectivement, rire, c'est vivre aussi, vous le savez. Nous sommes ici en direct à Bruxelles pour cette émission exceptionnelle avec des talents, des lumières, de beaux esprits qui vont nous sortir un petit peu de ce quotidien morose pour nous redonner une joie de vivre. Bienvenue à tous dans l'Union fait la... Ah, ils sont bien. Et de la bière d'abbaye a été servie, on va le dire, on fait des fêtes. Même de la bière trappiste. C'est vrai, il y a même du thé oriental. C'est pas la même chose, il y a du thé aussi. On est en terrasse, d'une certaine manière. Voilà, on est en terrasse. Je vous présente l'équipe, parce que là, c'est pas autour de la table. C'est l'autocar de chroniqueur qui est derrière nous. La belgo ravissante Cynthia Izarali. Oh, non, ça sort pas. Vous pouvez tous applaudir comme ça, je les fais tous d'un coup. Le franco insolent Guillaume Meurice est là. La belgo talentueuse Guillermo Guise. Le franco brillant Hippolyte Girardot. Le carolo flamboyant Manu Di Pietro. La franco pétillante Juliette Ardot. Le belgo génial Raoul Reyers et le franco troubadour Frédéric Fromet arrivent dans un quart d'heure. Et bien sûr, Alex Vizorek. Ah non, dis, qu'est-ce que j'avais mis pour vous? Charline Vanhoenacker. Et Walid, bien sûr, de la RTBF. Et moi, je pue. Donc, j'avais mis le belgo génial Christophe Bourdon. Vous êtes tellement, j'en ai oublié. Voilà, j'en perds mes enfants. La trappiste est très, très, mon cher. Mais oui, Philippe Gueluc est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour mes amis. Bonjour. Donc voilà, à la fois sur France Inter et sur la RTBF, ça c'est pratique pour vous qui voyagez entre les deux pays. Il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas de radio-guidage aujourd'hui après le journal. C'est comme ça qu'on appelle vous auriez pu route. Apprendre à vos éditeurs de France Inter les embarras du Carrefour Léonard tous les jours, en fin de journée. Voilà. Et oui, c'est vrai. On en a un même en France, mais sous d'autres mots. Philippe Gueluc, vous êtes avec nous parce que vous êtes d'accord sur le fait que eh bien, il faut rire, on peut rire, sourire et se faire du bien par d'autres mots, par l'humour, par la satire et parfois par l'humour noir qui fait partie un petit peu de vos références aussi, Philippe. Bien sûr, oui, ça me semble évident, enfin, c'est toute ma vie ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre, sauf que dans des moments comme ça, on arrive un petit peu, enfin vous y arrivez magnifiquement, moi j'ai eu un petit peu de mal cette semaine. Vous avez dessiné déjà, Philippe ? Oui, j'ai décidé, mais pas de j'avais fait mes dessins sur le terrorisme, sur les kamikazes, avant les attentats. Ouais. Parce que on savait que ça allait arriver. Donc j'ai fait des dessins, voilà, qui ont pas mal tourné. Et celui que j'ai fait le 22 mars, ben il est juste un dessin d'émotion. C'est le chat qui serre contre lui des proches, de la famille, des amis. Ils se serrent tous très très fort et ils sont habillés en noir, jaune, rouge. Voilà, c'était un dessin poétique, c'était un dessin d'émotion, mais qui, comme me l'ont dit beaucoup de monde, correspondait à l'état d'esprit de cette journée-là. Alors Charline, deuxième sujet abordé cet après-midi sur la première sur France Inter, l'état d'urgence qui existe en France et qui n'existe pas chez nous finalement. Oui, parce qu'avec Philippe Geluc et avec tous nos chroniqueurs, on a décidé de débattre un peu de différents points de vue. Le deuxième, c'est la France qui mise sur le tout sécuritaire et l'état d'urgence. À Bruxelles, le lendemain des attentats de Paris, si j'ai bien compris, tout le monde était resté cloîtré. C'est-à-dire tout que personne arrêté. Ne sortait, tout s'est arrêté. Oui, les écoles étaient aussi fermées. Mais le 23 mars, donc lendemain du 22, les enfants étaient à l'école. C'est ce que vous m'avez dit, Walid. Ça, alors ça, c'est du surréalisme, c'est l'absurde à la Belge. Donc en la matière, l'essentiel au ministère de l'Intérieur, c'est quand même d'être au moins sûr de la manière dont il faut réagir. Bon, alors trois alternatives s'offrent à nous, enfin, s'offrent à vous. La sécuritaire, d'accord. L'équilibré ou l'offensive. Laquelle choisissez-vous? Je sais pas. L'offensive. Offensive. Bien. Offensive. Très bien, c'est la 30 000 euros. Je choisis la solution offensive. Ouais, ok. Offensive. Ouais. Ça va très bien, on a compris. Offensive. Je choisis la solution offensive. Offensive, je prends la solution. J'ai choisi, ça y est. J'ai mis du temps à me décider, mais là, ça y est, je suis sûr de moi. Je prends l'offensive. Jean-Paul Rouvre et Benoît Poulvord dans Podium. Podium. C'est une scène d'anthologie qu'on a choisie avec l'équipe pour illustrer ce sujet. Donc, il y a quand même une certaine différence. Apparemment, même Michel Sapin, ministre français, avait dit « Tiens, les Belges sont quand même un peu naïfs ». C'est vrai qu'il est revenu sur ses propos. Mais on a l'impression, depuis la France, qu'il y a ce côté un poil plus détaché, je dirais pas dilettante, mais... Nonchalant. Oui, un poil plus nonchalant. Et en France, cet état d'urgence qui fait énormément débat, cette loi sur la déchéance de nationalité, ça a l'air beaucoup plus carré, etc. Ça, c'est, vous y retrouvez, vous, Philippe Geluc, entre la différence culturelle entre peut-être les deux pays, un état plus policier que l'autre. Oui, enfin, on reste cette espèce de convivialité, de bonne humeur constante chez nous, paraît un petit peu étrange au moment où se passent les attentats. J'ai entendu qu'une dame interviewée par un journaliste de la BBC, il y a quelques jours, enfin le jour au lendemain des attentats, une Belge, donc une anonyme dans la rue, répondait au journaliste, vous savez, moi avec mon mari, on comptait partir en Turquie, mais il y a des attentats là-bas, alors autant me faire sauter ici dans mon pays. Voilà, il y a le type a dit, je peux pas passer cette séquence à la BBC. On m'a jamais répondu à un truc comme ça. Et ça, c'est Bruxelles. Faut aussi expliquer que le ministre de l'Intérieur a voulu démissionner c'est en Belgique, vrai, si j'ai vrai, bien compris. Vrai. Et le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice. Effectivement. Même ça, ils ont raté. Même ça, ils ont raté, c'est vrai. Alors, alors Juliette Arnaud. Oui. Alors ils ont peut-être raté, mais en tant que Français, nous par exemple, enfin, on a un certain nombre de Français à s'être étonnés que personne au gouvernement, suite à Charlie Hebdo et puis après l'attentat du Bataclan par exemple, qu'il n'y ait aucun membre du gouvernement, un préfet, je ne sais pas, quelqu'un, un expert comptable, un responsable, qui se dise peut-être c'est un peu ma faute, parce qu'après tout c'est un petit peu aussi leur responsabilité. Et ah mais je m'entends malheureuse. Je constate, et ben ça fait plaisir que nos voisins belges, bisous, essaye au moins de le faire. Et c'est pas les ministres qu'on préfère en plus. Hein. Ouais. C'est les NBA, donc, c'est vrai. Pour une fois qu'on était d'accord avec eux. Oui. Philippe Geluc, il arrive. Oui. Si dans les services de sécurité, de renseignement, de police, de services secrets, etc., en Belgique, tous ceux qui n'ont pas fait leur boulot devaient démissionner, il n'y aurait plus personne. C'est vrai. Philippe Geluc, est-ce qu'il y a une différence entre le policier belge et français dans la manière d'aborder les choses? On sait que ça fonctionne comme tout ici en pyramide et que donc le ministre de l'Intérieur fait infuser jusqu'à la base un certain état d'esprit, on le voit en France aussi. Est-ce que le policier belge et le policier français ont une manière d'aborder les choses différemment? Le pastis, c'est la bière. Bien sûr. Parce que hier, j'ai vu des policiers fumer une clope sur le quai du Thalys. Je me suis dit, c'est quand même détendu. En France, on fait ça, on est foutu, non? Oui, j'ai parlé avec un policier hier qui me disait « Je pense que le policier belge est un peu sous-équipé en matériel. » On voit ça dans les armes qu'ils utilisent, face à des armes très sophistiquées, des armes de guerre qui sont en face d'eux. Et l'un me disait « On n'a pas de budget. » Donc il dit « Regardez le pull que je porte, qui était un pull avec écrit « Police » dessus. » Il y avait un trou dans la manche. Il dit « J'en ai demandé un autre, mais il n'y a pas les budgets. » On a eu des policiers qui se baladent en jeans parce qu'il n'y a plus les moyens de se payer les uniformes en Belgique. Mais la Belgique, voilà, mais... si vous avez des uniformes à prêter, amis français, on est demandeurs. Il y a pas de souci. Je vous donnerai bien ma chemise, Walid, avec plaisir. Mais écoutez, je ne refuserai pas. En attendant, de la musique. Eh oui, une musique tout à fait particulière. Alex, c'est... Comment définir Frédéric Fromet qui est extrêmement attendu sur les ondes de France Inter et que peut-être vous allez découvrir sur la RTBF? Alors, toutes les semaines, il écrit une nouvelle chanson en lien avec l'actu. On ne sait jamais de quoi il va parler. On reçoit toujours énormément de courriers pour se plaindre de ce dont il a parlé. Et donc, cette semaine, eh bien, on est très curieux de savoir de quoi il va nous parler. Bonjour Frédéric Fromet. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on va nous chanter? Vu les circonstances, j'ai convoqué deux Belges. Le capitaine Haddock, parce que 1 000 000 000 de 1 000 sabords. Et sort sourire pour le sourire. État islamique, mique, mique, faisait boum, tout simplement. Ça suffit maintenant. Bande de bachipouzouk, bande de zouave et de plouk, bande de face de pignouf. Non seulement ces vers de terre n'ont jamais lu une sourate, mais en plus, voyez les faire, y en a toujours un qui se rate. État islamique, mic, mic, faisait boum, tout simplement, ça suffit maintenant. Ectoplasme, mitraillette, bougre de nasa perpète, tronche de cake à barbichette. Dans vos délires sectaires, vous pourriez faire beaucoup mieux. Chez l'ordre du temple solaire, au moins ils se suicident entre eux. État islamique, mique, mique, faisait boum, tout simplement. Ça suffit maintenant. Dictateur mal embouché, apprentis artificiers, espèce de nazi raté. On ne compte plus les frangins embrigadés, gonflés de haine. A-t-on pensé, outre Quiévrin, à surveiller les frères d'Ardennes? État islamique, mique, mique, faisait boum, tout simplement. Ça suffit maintenant. Arriviste, sanguinaire, barbare, interplanétaire, phase de paix, de dromadaire. Vous pouvez faire votre prière, car avec toutes vos conneries, vous risquez d'avoir affaire à Bernard-Henri Lévy. État islamique, mic, mic, faisait boum, tout simplement, ça suffit maintenant. Mes jurons sont ridicules, pas un seul ne te bouscule, peu importe, je t'emmerde. Si au calembour je t'attaque, tu pourrais bien avoir les boules. Par exemple, en Irak, tu m'énerves, tu m'osoules. État islamique, mic, mic, faisait boum, tout simplement, ça suffit maintenant. En tout chemin, en tout lieu, tu invoques un bon Dieu. Dans ta tête, c'est tout creux. État islamique, mic, mic, faisait boum, tout simplement, ça suffit maintenant. Non, tu n'as rien inventé, tant d'autres ont déjà zigouillé au nom de la sainteté. Encore une fois, État islamique, mic, mic, faisait boum, tout simplement, ça suffit maintenant. Frédéric Fromet, en direct de Bruxelles. C'est l'ovation pour Frédéric Fromet. Pour une fois qu'on ne lui lance pas des tomates. On va recevoir du courrier de Raqqa maintenant. Ça, c'est bien. Et la Belgique l'a compris. Donc en direct sur France Inter, sur la RTBF, en compagnie de tous nos chroniqueurs et de Philippe Geluck. Philippe, alors là, il y a la petite comptine toute gentille et puis des mots au bazooka derrière. Quoi. C'est un bon cocktail généralement. Mais c'est la seule réponse désarmante que nous pouvons faire à des gens armés. Mmh. Bien sûr, les mots. C'est de les contourner. Qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Je me souviens d'une photo qui m'a marqué au fer blanc quand j'étais enfant, c'était celle d'un résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale qui était face au peloton d'exécution nazi. Les types allaient tirer et le type leur a fait un immense sourire qui voulait dire « je vous emmerde ». Voilà. Eh ben on les emmerde, tout à fait. Merci. Philippe de la Gueluc. Solidarité, il en sera question tout à l'heure. Troisième sujet qu'on abordera dans cette émission spéciale, l'Union fait la farce. On aura Jean-Luc Fonck qui bien sera sûr. De nôtre. Mais avant, parlons littérature. Eh oui, tiens, si on accueillait, ils sont autour de la table, hein, mais bon. Juliette Arnoux, c'est le versant littéraire des choses. Alors, on va constater. Voilà. La France, la littérature, la coupole, madame. Voilà, allons-y. Allez, hop, Victor Hugo. Non, pas du tout. J'ai choisi le plus français des auteurs belges. J'ai nommé Georges Simenon. Là, je vous entends, ami belge. Pardon. Voisin belge. D'où il est français, notre Simon. Qu'est-ce qu'elle raconte, la frisée peroxydée? Elle est sérieuse, elle boit l'après-midi aussi maintenant? Non, jamais avant 18h, Alex. Merci, bisous, merci. Oui, regardez les vidéos. Simon est un peu français. Un peu, ça va. Preuve numéro 1. Il est un peu français parce que le commissaire Maigret, le personnage qui l'a rendu immensément célèbre, 75 romans policiers, 28 nouvelles, une pelletée de best-sellers, est français. Hein. Puis alors, français. Le nom, déjà, il s'intitule Jules Amédée François. Plus français, c'est François Pignon et basta. Preuve numéro 2. Il est ambivalent, Jules Amédée Maigret. Il s'appelle Maigret et est décrit par Simenon comme large d'épaule et imposant. Ça, c'est l'euphémisme de gros. Donc, il est gros, il s'appelle Maigret. Voilà. Et croyez-moi, l'ambivalence est aussi français que l'andouillette. Preuve numéro 3. Souvent, Simenon évoque l'attitude paresseuse ou nonchalante de son commissaire. Tellement français la paresse, dit Dixit Zlatan Ibrahimovic. Quoi ? Il a pas dit ça ? Il a dit que la France est un pays de merde et qu'elle méritait pas le PSG ? Ouais, c'est un peu pareil, non ? Preuve numéro 4. Maigret, même au milieu d'une enquête archi stressante, ne refuse jamais un verre de vin blanc. Quoi, Charline ? Non, là, je ne relève pas la supposée tendance française à l'alcoolisme. Mais plutôt le légendaire, le célébré all around the world, sens de la politesse des Français. Preuve numéro 5. Simenon est bouffeur de curé. Ça, c'est typiquement français. Il dit, je cite, « Mais la paix n'existe pas. La paix, c'est une chose que nous avons inventée. La paix, c'est ce qui fait la fortune du pape. Parce qu'il promet aux gens la paix de l'âme et du cœur. Il leur dit, vous êtes malheureux maintenant, mais vous allez chanter Hosanna parmi les anges. Ça a été le plus grand racket des religions, de toutes les religions. » Preuve numéro 6, et c'est ma préférée, Simenon aime le fion. Comme les Français, comme Alex Vizorek, hein, qu'on fait le numéro des Inrock daté de cette semaine. Alex aime le cul, c'est écrit, c'est dans les Inrock. Vérifié. Voilà, vous avez lu entre les lignes. Je cite Simenon himself dans une interview de 1977 et qui dit « J'ai fait le calcul il y a un an ou deux, j'ai eu 10 000 femmes depuis l'âge de 13 ans et demi. Ce n'était pas du tout un vice, je n'ai aucun vice sexuel, mais j'avais besoin de communiquer. Et même les 8 000 prostituées qu'il faut compter parmi les 10 000, c'était des êtres humains. Merci Georges. Des êtres humains femelles. J'aurais voulu connaître toutes les femmes. Malheureusement, à cause de mes mariages, je ne pouvais pas avoir de véritables aventures. Ce que j'ai pu faire l'amour entre deux portes dans ma vie, c'est invraisemblable. Le seul reproche que je peux faire à Simenon, moi Juliette Arnaud, c'est d'avoir été très bosseur, trop de livres. Alors qu'on peut rentrer de vacances, la mine éclatante, et dire, cet été, j'ai relu tout Flaubert. Bah, et être cru. Bah oui, Flaubert, il a écrit 5 romans, hein. C'est un ramier. Si tu fais la même chose avec Simenon, tu passes pour un gros mytho, hein. Il a autant écrit qu'il a fait l'amour, c'est dire. Si Flaubert s'était un peu sorti les doigts, on aurait des tas... d'épisodes super sympas de Madame Bovary, à l'image de ceux du commissaire Maigret. Par exemple, moi, mes préférés du commissaire Maigret, c'est la pipe de Maigret. Donc ça ferait la pipe de Madame Bovary. Tout un blasphème, blasphème. Bien, il y avait un autre que j'adore, c'est Maigret à New York. Là, ça ferait Madame Bovary à New York. Bah, si ça se trouve, en Amérique, elle aurait moins eu le seum. Mon autre préféré, c'est Maigret et les petits cochons sans queue. Bah, Madame Bovary et les petits cochons sans queue, ça, ce qui d'ailleurs lui aurait évité un paquet d'emmerdements. Hein, puisque son truc, c'était la fesse. Bref, j'en conclus que les écrivains gagneraient à s'influencer les uns les autres et les Français à se mélanger avec les Belges. Non, je ne suis pas tout à fait célibataire, mais en ces temps de troubles, je saurais me sacrifier. Merci Juliette Arnaud. Juliette Arnaud, de la littérature, du mélange. La Belgique et la France qui sont unies cet après-midi sur la première sur France Inter. Et c'est intéressant d'avoir votre regard de française là-dessus, parce que Maigret qui est gros, moi ça m'était jamais venu à le dire, parce qu'on a tellement le nez dans le guidon que des fois, si on n'a pas le voisin ou l'ami français ou réciproquement qui nous montre les choses, on ne peut pas les redécouvrir. Alors pour nos auditeurs, moi ce qui m'inquiétait, c'était le regard de Raoul qu'il jetait sur Juliette à un moment donné. Je vais lui donner un truc. Juliette est disponible à partir de 4 verres de vin. Donc on peut voir. Raoul Reyers, ce n'est même pas une bouteille. Et Philippe Gueluc est avec nous aussi. Et le public, bien sûr, dans cette salle. Je rappelle que les portes sont ouvertes jusqu'à 18h. N'hésitez pas si vous passez à Flager, à Bruxelles. L'Union fait la farce. Et oui, et puisqu'il est 17h24, à Bruxelles et à Paris, Philippe Gueluc, à ce moment-là, c'est le journal de presque 17h17. Bien entendu. Un peu d'information, parce que c'est important. Il faut aussi comprendre les choses. C'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on recommence par les titres. Oui, sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la procrastination. Ah, et il y a une chute ? Bah, demain. Ah, alors, titre suivant. Non, demain aussi. Ah, très bien. Il y aura donc pas de brève non plus. Si, ah, ça, il y en a même une sur les blondes. Ça va être super. éphéméride. Aujourd'hui, c'est donc la journée de la procrastination. Oui, une maladie qui frappait manifestement le policier de Malines qui devait remettre l'adresse de Salah Abdeslam depuis le 7 décembre. Courage, bonhomme. Breaking news, les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils avaient tué Abdelrahman El-Kadouli, numéro 2 de l'État islamique. Ah, et donc ça change quoi ? Bah, en gros, c'est un changement. Hein. Ça veut dire que le numéro 3 devient le numéro 2. Effectivement. Alors, revenons en Belgique, car un grand mystère reste non résolu. Comment l'OCAM, alors que l'OCAM pour nos amis français... Eh bien, on va le dire plus loin. D'accord, décide du niveau de menace de grève dans le plat pays. Tout ça a été fait très très vite. Et oui, amis français, virgule. Ces derniers temps, nous oscillons entre niveau 3 et le maximum niveau 4. Mais on ne sait jamais comment c'est décidé sur place. Raoul Reyers est à l'OCAM. Raoul Reyers, organe de coordination pour l'analyse de la menace. Vous avez enquêté. Oui, bonjour Walid. Bonjour Raoul. Bonjour Raoul. Bonjour à tous. Alors, il y a plusieurs techniques hein, pour calculer avec précision le niveau d'alerte. Dites-nous tout. Soit c'est après la belote du matin, si le directeur perd, on augmente d'un point. Oui, oui. Ou alors le vendredi, comme ils sont moins au bureau, il y a la fameuse technique du baromètre. Ah, c'est complexe, ouais, on imagine. Non, ils regardent simplement le baromètre et s'il est au-dessus de 750 millibars, le niveau descend à 3. Ah, oui, du coup. Oui. Et enfin, le lundi, c'est en fonction du foot. Si Anderlecht gagne, c'est 3. Oui. Et s'ils perdent, c'est 4. Ah, et si c'est match nul, du coup ? 3,5. Merci beaucoup, Raoul. Oui, revenons en France. Le député Les Républicains, Olivier Dassault, réclame la peine de mort pour les terroristes. Ah, mais du coup, je sens que les kamikazes vont réfléchir à deux fois avant de se faire exploser. Une page santé. La ministre de la Santé en France, Marisol Touraine, a donné son feu vert aux expérimentations de salles de shoot. Oui, on a la chance d'avoir un reporter très très rapide. Raoul Reyers, vous êtes envoyé spécial dans les salles de shoot en France. Pouvez-vous nous dire comment ça se passe ? Bonjour. Eh bien Alex, c'est un franc succès ces salles de shoot. Les lapins roses et les éléphants bleus font la file devant, tranquillou, comme ça. On attend l'arrivée de Christophe Colomb. Oui. Et Nicolas Dupont-Aignan est en tête de sondage. Oula, ah oui, c'est grave. Ça veut dire que c'est fort, c'est hein, comme, bonne, comme c'est truc. Bonne. Passons aux brèves. Allez, Walid, vous allez voir ce que c'est de nous dire une brève. Attention, concentrez-vous, Charline vous observe. États-Unis, il finit au commissariat pour ne pas avoir ramené une VHS louée en 2002. Oui, c'est triste et il s'avère que s'il n'avait pas rebobiné la cassette, il aurait pu finir en cellule. Mmh. Allez, Charline, la dernière, c'est pour vous. Allez. Oui, super. Allez. Une étude de l'université de l'Ohio le prouve, les blondes sont aussi intelligentes que les autres. Vous voyez, Charline, j'ai pas baisé que de la connasse. Mais ça va pas, quoi. Je l'ai trouvée marrante, je l'ai testée, ça a fait rire tout le monde dans le bureau. Les autres dites quelque chose, vous êtes sur France Inter, la RTBF, je sais pas si Juliette je vais rester. Arnaud à risque, c'est un scandale. Ah, mais je ris, mais je pense que vous êtes un sale con misogyne. Oui, c'est vrai. Oui. Charline, nous allons cueillir de la belgitude et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements, celui qui représente à la fois la musique, la Belgique, les mots, et justement, il répond avec ses mots, c'est l'excellent Jean-Luc Fonck ici à Flaget. Bonjour tout le monde, je suis bien content d'être là. Non, et donc... Quoi ? Fais-toi plaisir. Nous aussi, non, je suis bien, bien content d'être là. Et voilà. Et donc je vais chanter. C'est pour ça qu'on t'avait invité. Ah. Non, ça, j'ai toujours un petit peu peur parce que. Une chanson donc ou Alors je vais chanter une chanson. Ou une pizza, je sais pas. Hein. Je vais chanter deux chansons. Je vais commencer par une chanson très bien et tout à l'heure il y aura une chanson mieux. Alors, Jean-Luc Fonck est passé maître également dans l'art d'injecter des mots que vous pouvez nous proposer dans ses chansons. Est-ce que c'est possible ? Non, c'est pas possible. Il faut pas demander des trucs qui sont pas possibles. Donc, je vais vous expliquer. Donc, je peux aller là-bas. Allez-y. Allez, je vous suis. À votre pupitre. Donc, son instrument, c'est l'iPad, Jean-Luc Fonck. T'entends très bien ? Ah ouais ! Donc, je vous explique, c'est une chanson. Comme on est en même temps. C'est en direct sur France Inter et sur la première. Et donc, il y a les pétoches. Et donc, on essaie de faire découvrir un peu. Il y a des tas de talents belges qui, malheureusement, sont décédés et disparus dans l'anonymat. Et donc, on a un peu été faire des recherches dans les archives. On est tombé sur un certain Jacques Brel. Déjà entendu parler. Donc, c'est un type qui. Bon. Il faisait de son mieux, mais. Alors on a un petit peu écouté ses chansons, on s'est rendu compte que finalement, on comprend pourquoi il a disparu dans l'anonymat. Les textes étaient un peu bêta, il faut les dire. Par contre, la musique était bien, donc on a pris la moins pire musique qu'il a écrite. Et on s'est dit, tiens, comment mettre un bon texte là-dessus? Il faudrait trouver un bon auteur. On a un peu regardé autour de nous et finalement, on s'est dit, prenons le meilleur. Et donc, on a pris moi. Donc, c'est une chanson, vous allez reconnaître les paroles et la musique. Mais normalement, voilà. Ouais. Je peux y aller? Allez-y, Jean-Luc Fonck. Il y a une ville à la Costa del Sol où il y a plus de Belges que d'Espagnols, où il y a plus de Leonidas et de Bata que de Gambas. On ira tous à Torre Molinos. On ira tous à Torre Molinos. À Torre Molinos, même quand il pleut, c'est génial. On sait poster des cartes postales ou bien boire un godet à l'amical des amis du camping municipal. On ira tous Torre Molinos. On ira tous à Torre Molinos. À Torre Molinos. Gâteau fini. Hein. Pour moi, Torre Molinos, c'est le paradis. Je crois bien que je vais mourir ici. Et quand je serai mort, je voudrais qu'on m'enterre. À Torre Molinos. Son cimetière, on ira tous. À Torre Molinos, on ira tous. À Torre Molinos. À Torre Molinos. On ira tous. À Torre Molinos. On ira tous. Merci. Serait mieux, c'est formidable. Philippe Geluck avec nous. Oui. Expliquez aux Français qu'est-ce que c'est que Torre Molinos. Ah, Torre Molinos, mais c'est une station balnéaire sur la côte, la Costa del Sol, donc la côte du Soleil, en Espagne, où se rendent de nombreux Belges depuis plusieurs décennies. Et donc la chanson de Jean-Luc Fonck, c'est un monument chez nous. Ah oui, en chez Belgique. Nous. Absolument. C'est encore autre chose que le plat pays. C'est un peu notre hymne national. On peut chanter oui. Le vrai rythme de On ira tous. À Torre Molinos. Tous. À Torre Molinos. Tous. À Torre Molinos. Tous. Mais vous savez, Molinos. Mais vous savez, c'est une chose qu'on peut faire avec beaucoup de chansons. Et en ce jour d'émission franco-belge, je peux essayer de vous chanter la brabançonne sur l'air de la Marseillaise. Ah. Allez-y. Oui. Noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie, nous le jurons tous, tu vivras, nous le jurons tous, tu vivras toujours grande et belle, et ton invincible unité aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté, le roi, la loi, la liberté, le roi, la loi, la liberté, le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Philippe Geluck. On ne pouvait pas faire mieux. L'union fait la farce. Ouais. Deux hymnes interprétés par l'excellent et talentueux Philippe Geluck. Allez, aux armes le roi donc. Ensuite. Manu Di Pietro, titre anxiogène, quotidien dopé au stress, site internet pris d'assaut depuis le 22 mars. Eh bien, la caravane de l'info a mis le turbo, mais une certaine presse a été honteusement mise de côté dans les médias. Petite séance donc de rattrapage avec vous. D'abord, bonjour la France, bonjour Flaget, Charline, Alex. Ils ont donc réussi à vous ramener à la frontière. C'est Marine qui doit être heureuse de s'être débarrassée de vous. Alors, je me suis dit, avec cette émission, ici il y a Célassou et d'autres chanteurs présents, je me disais qu'on devrait faire ça aussi, des échanges de chanteurs entre nos pays. On vous enverrait Arnaud, Célassou et Stromae, et nous on recevrait Kenji Girac, Zaz et Maître Gims. Pas pour chanter, je vous rassure. Mais si vous mettez le prix, je connais une grande gare en construction pas trop loin d'ici, où l'on n'est pas trop regardant sur la qualité du béton utilisé. Mais revenons aux événements. Les experts reviennent sur tous les plateaux pour nous expliquer que c'était à prévoir. Mais bon, en Belgique, vous savez, prévoir, ça se limite à savoir si on aura assez de bacs de bière pour recevoir les copains au barbecue du lendemain. Alors trouver des terroristes renvoyés deux fois de Turquie, fichés sur les listes noires par les services de renseignement américains, comment on aurait pu faire, nous, pour prévoir? De leur côté, les journalistes posent leurs questions pertinentes. Et un exercice auquel se livrent les journalistes, c'est la revue de presse, ou comme on l'appelle en salle de rédaction, mais qu'est-ce que c'est que ces titres de merde? Une revue de presse des événements du 22 mars et des jours suivants qui, bizarrement, n'a pas pris en compte les publications professionnelles, les magazines psycho-conso ou encore les magazines spécifiquement destinés aux femmes et aux hommes. Par exemple, Psychologie Magazine se penche sur une question cruciale. Se sauver en toute dignité, espère de pousser une femme ou un enfant, qui viendra en aide à tous ceux pour qui l'étiquette prime avant toute chose. Marie-Claire n'hésite pas, lui, à jeter un pavé dans la mare. Conseil astro, les cinq signes qui attirent l'âge koumoun. Une lecture ésotérique passionnante dans le métro. Avec « C'est pas toi, c'est Daesh », GQ nous offre un top 10 des meilleures nouvelles excuses pour larguer sa copine. Effet garanti. Chez Flair, une espèce de femme actuelle où il y a encore plus de pubs, c'est possible, on n'oublie pas que les vacances de Pâques sont proches. Perdre du poids instantanément, 8,5 lectrices nous donnent leur secret. Et les geeks ne sont pas oubliés. PC astuce, quel clavier choisir quand on n'a plus que 7 doigts? Plus récemment, on a pu lire dans Ressources Humaines Magazine « Je suis un ministre qui veut démissionner, est-ce que j'ai droit au chômage ?» Voilà, alors je ne sais pas si j'ai fait avancer la cause de l'humour belge avec ça, mais j'aurais au moins pu exorciser un peu de tout ce qui nous réunit ici, de la tristesse, de l'espoir, ne pas comprendre forcément ce qui s'est passé, mais le faire ensemble. Ensemble, unis, Manu Di Pietro, ici en direct de Flaget pour cette émission spéciale « L'Union fait la force ». Nous sommes toujours avec Philippe Gueluc et tous les chroniqueurs et on va aborder un troisième sujet, un troisième point de vue plutôt entre Français et Belges. Comment nos artistes ont-ils réagi après les attentats? Comment ont-ils réussi à mettre en image ou en son leur sidération? Eh bien, dans ces circonstances, beaucoup se sont dépassés pour nous offrir le meilleur. Pour d'autres, rappelons que l'art, c'est subjectif. Hein, voilà. Je suis Cabu. Je suis Tignou, je suis eux parce que je suis nous, parce que c'est le fait d'être humain qui nous relie. Alors, comment dire C'est moche que vous savez. C'est moche. C'est... Francis Lalanne a fait l'effort d'écrire une chanson très très rapidement. Il a eu l'élégance de ne pas le faire cette fois. Alors, Philippe Gueluc, pour les Français et les Belges, le premier attentat qui a été le plus proche de nous, c'était Charlie et l'hypercachère. On s'est permis donc de rire très vite, de vouloir dominer ça par le rire en hommage à Charlie qui, lui, s'empare de tout ça encore aujourd'hui et appuie là où ça fait mal. Est-ce que, justement, ça a permis d'ouvrir une voie? Après chaque attentat, maintenant, on se permet de se faire du bien en riant ou en souriant. Est-ce que le fait que le premier attentat qui ait touché Charlie nous a permis de continuer à rire, à écrire, à dessiner. Il n'y en a pas tellement qui ont ri. Vous avez beaucoup ri après les attentats de Charlie. Je vous ai écouté. Hein. C'était souvent de très mauvais goût, Charlie. Je voulais vous le dire aujourd'hui. Mais non, mais évidemment, il faut continuer. Alors, est-ce que tout le monde s'est dit qu'est-ce qu'ils auraient fait comme dessin eux-mêmes sur leur propre mésaventure, c'est un faible mot, sur le drame, évidemment. Ils auraient fait des choses absolument, j'allais dire, sanglantes dans l'humour. C'est pour ça qu'on s'est permis de le faire. Et c'est quand évidemment, on s'est permis de faire. Alors, évidemment, eux, leurs proches, les fans de Charlie Hebdo comprennent bien ça. Évidemment, les anonymes qui sont victimes d'attentats le comprennent parfois un petit peu difficilement. Donc, moi, si vous voulez, la règle, c'est que je préfère rire avant les attentats qu'après. Il paraît que dans les pays en guerre, par exemple en Algérie, dès le lendemain, les caricaturistes ressortent, même très très vite, et veulent justement tout de suite repasser à autre chose, à la vie normale. Bien sûr, mais c'est vous savez, les Béroutins par exemple ont appris à vivre avec les attentats, avec les explosions. Donc il y a une explosion, ok, on reste chez soi pendant 10 minutes et puis on ressort et la vie continue. J'espère que ça va pas devenir le cas à Bruxelles, ouais. Mais en tout cas une chose nous rassemble tous, c'est qu'on a envie de se faire exploser de rire et pas d'autre chose. Philippe Gueluc. Alors c'est vrai que c'est une de Charlie Hebdo, dont on parle beaucoup ici. C'est qui est sorti mercredi, non ? Voilà, c'est ça, qui dérange aussi un petit peu. En Belgique, on peut le voir sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec cette une. Vous en pensez quoi, vous, Philippe Geluck ? Alors racontez-la, moi je ne l'ai pas vu. Ah, alors là, pour vous la raconter, il y a des images. Il y a des morceaux de cordes sur un fond rouge et il y a... Ça dialogue. Oui, ça dialogue, et ça dialogue du genre le métro va être en retard, comment on va faire pour rentrer chez soi. Donc quelque part, il y a du quotidien accolé à une image forte, même en dessin. Bien sûr, mais c'est la tradition Charlie Hebdo, ils ont toujours fait ça, donc il est normal qu'ils continuent de le faire. Le problème, c'est qu'ils sont lus maintenant par des millions de personnes et qu'ils l'étaient par quelques milliers auparavant. Donc voilà, le taux de mécontent est aussi plus grand. Et puis quand on touche là où ça fait mal, sa propre douleur, on le voit toujours différemment. Et si on passait au rire ? Mais bien sûr, et rire et l'investigation. Investiguons. Alex, est-ce qu'il est toujours là, notre envoyé spécial à Rouen, où il ne sert à rien, mais il est là quand même. Bonjour Guillaume Meurice. Rebonjour, je me cache. Oui, ça vous risquez point. Comment ça va depuis tout à l'heure? Vous êtes donc à Bruxelles, vous étiez hier, je le rappelle aux gens qui nous rejoignent. Vous avez passé toute la journée ici et donc vous avez foutu un boxon. Oui, et là je vais essayer d'aider les djihadistes, hein, parce qu'ils sont pas mal discriminés en ce moment. On le sait, le djihadiste ne jouit pas d'une grosse cote de popularité. J'ai regardé les chiffres, il est à peine devant Myriam El Khomri. Hein. C'est pour vous dire que c'est pas folichon. Et moi, je pense qu'ils ont un problème de cible. Hein. Je pense que si les djihadistes s'attaquaient vraiment aux bonnes cibles, ça irait mieux. Par exemple, s'ils s'attaquaient aux abrutis, personne n'oserait sortir dans la rue avec un panneau « Je suis un abruti ». On est d'accord, sauf Robert Médard. Hein, ça doit lui arriver d'être un petit peu lucide. Ou alors s'ils lançaient une épidémie de gastro dans un quartier riche, hein, ils auraient la sympathie de la population. Hein, ils nous font chier les riches toute l'année, ça serait logique, hein, ça serait un juste retour des choses. Et alors là, par exemple, vous êtes à Flagey, vous êtes à côté des étangs d'Ixelles. C'est un quartier résidentiel assez huppé où je me suis rendu hier pour interroger les habitants. Alors, ils ont beau être riches, ils n'en restent pas moins belges, des habitants de la Belgique. Et la Belgique, c'est quoi ? Je dis, la Belgique, c'est un gros fromage, hein, auquel tout le monde veut participer. Hein. Tout le monde veut participer au fromage. Au fromage, hein, c'est un gros fromage, oui. La Belgique. La Belgique n'est plus le mat de cocaïne que les gens s'imaginaient, et les fromages, il ne reste plus que les os. Voilà, il ne reste plus que les os des fromages. Alors, je ne sais pas si c'est un dialecte belge, hein, ou si le monsieur voulait me parler des risques de fracture ouverte des babybelles. Enfin, en tout cas, c'est très mystérieux. Mystérieux, tout comme les explications sur les kamikazes de cet autre habitant. À l'aéroport, excusez-moi, ils étaient visibles, ces deux-là, avec un seul gant. Comment on n'a pu pas, avec la caméra, comment on n'a pas pu voir ça? Ils avaient un seul gant? Un seul gant à chaque main. Donc c'est pas normal, ils étaient un peu bizarres. Ils avaient un seul gant à chaque main? Oui. Ah, ça c'est normal par contre. Hein? C'est normal d'avoir un seul gant à chaque main. Mais c'est pas normal. Ah bon? Donc c'est qu'il cachait quelque chose. Eh oui, porter un seul gant à chaque main, c'est cacher quelque chose, hein, bien sûr, hein, ça c'est pas idiot. Mais méfions-nous également de ceux qui portent une chaussette à chaque pied. Hein. Méfions-nous vraiment de tout le monde. Et luttons contre les kamikazes. Comment faire, selon cet autre habitant? Je trouve qu'il faut mettre ces gens, excusez-moi l'expression, mais au poteau. Voilà. Faut mettre les kamikazes au poteau. Ouais, tout à fait, voilà. Comment on fait? On met un bras d'un côté, une jambe de l'autre et on les fusille? Non, pas du tout, une balle dans la tête. Voilà, une balle dans la tête des kamikazes, vous hein, voyez, à XL, on a du pognon, mais ça n'empêche pas d'avoir des idées. Hein. Big up au fameux Olivier Dassour dont vous parliez tout à l'heure. Alors, je suis resté avec cet habitant pour lui demander s'il y avait des exilés fiscaux dans le quartier. Oui, bien sûr, ici vous avez, je crois même que Vénatapi est là, il y avait même, non, LVMH, il est à Uccle, lui. Qui a encore d'autres. Je crois qu'il y a même quelques journalistes français même, je crois qu'ils sont ici. Ah bon ? Oui. Ah, dites-moi des noms. Je les ai pas en tête, mais non. Patrick Cohen. Je ne sais pas. Ah, Patrick Cohen est à une maison à Bruxelles. J'ai eu des bruits coups comme quoi il venait régulièrement à Bruxelles. Ah bon ? Oui, voilà, je crois. Patrick Cohen, vous savez me le restituer ? France Inter, la matinale. Non, je confonds avec... Un autre de vos confrères. Alex Vizorek, peut-être. Non, je n'ai plus. Non, j'ai un trou de mémoire. Ah, merde, on est passé pas loin d'un scoop. Hein. Malheureusement, la mémoire lui fait défaut. Ou la peur, hein, parce que dans ce quartier, un agent du fisc fait plus flipper qu'un kamikaze. Et c'est aussi le cas, hein, vous l'avez entendu, dans un autre quartier de Bruxelles qui s'appelle Uccle. Et qui j'ai croisé hier tout à fait par hasard? Le bourgmestre de Uccle, Armand de Decker, qui est très fier que... 13 000 Français vivent sur mon territoire. Mais alors, pourquoi ils vivent là-bas? Parce que c'est joli, j'imagine, pour le climat? Ah, pour de nombreuses raisons, parce que c'est une très jolie commune, que s'y trouve le lycée français de Bruxelles, et que c'est la commune la plus verte de l'agglomération. Oui, c'est juste pour cette raison-là. Oui. Oui, évidemment, évidemment. Quoi d'autre? Quoi d'autre? On le sait, le riche aime le vert, hein. C'est la couleur des dollars, évidemment. En tout cas, les Français sont quoi à Uccle, selon le bourgmestre? Ils sont les bienvenus, en tout cas. Ils sont les bienvenus. Bernard Arnault, il va vouloir payer des impôts chez vous, par solidarité, pour les pompiers de chez vous, pour la police de chez vous. Ah, mais je crois que nous sommes tous solidaires entre Français et Belges. Et oui, surtout entre riches Français et les riches Belges. Hein. Il y a beaucoup de solidarité. Ils sont solidaires pour payer moins d'impôts, donc moins donner de moyens aux services de renseignement, aux secours et aux hôpitaux. Et pendant que eux ne veulent rien payer, c'est nous qui prenons cher. Guillaume Meurice, merci Guillaume, en direct de Rouen, alors que nous sommes à Bruxelles, diffusé à Paris. Sur France Inter, sur la première, l'Union fait la farce, ça fait du bien de rire, Charlie. Ah, oui, ah là là, vous sentez bien le public? Oui, oui, oui. On continue à faire la fête? Allons-y, rappelons un certain Jean-Luc Font qui nous a promis une chanson qui serait encore mieux après. Jean-Luc, il rêve d'être acclamé par un public et... De ça avec moi, Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-Luc. Le rappel. Je trouve ça merveilleux, surtout avant d'entendre la chanson. C'est... Donc, est-ce que vous avez envie de chanter? Ah oui, on a envie. Ben voilà. Donc c'est une chanson qui s'appelle Conchita Martinez que vous devez chanter. Aïe aïe aïe. Et puis il m'a dit aïe aïe aïe. Enfin, vous voyez, ça va aller. On ne doit pas répéter. Enfin, pour moi, oui. C'est un peu espagnol. Hein. Elle ne savait jamais quoi dire, alors elle ne disait jamais rien. Mais en fait, elle était muette, on peut dire que ça tombait bien. Elle s'habillait, olé olé, se maquillait, bariolait. Elle le s'appelait Conchita, elle était poilue comme Chita. Aïe, aïe, aïe, Conchita Martinez. Aïe, aïe, aïe, c'était une belle gonzesse. On n'entend rien. Aïe, aïe, aïe, una bomba, una déesse. Blues andalusque. Mayonnaise, Conchita était cordon bleu, c'était la reine du croque-monsieur. Des tapas de la tortilla, c'était la Don Quijote de la plancha. Olé. Son fiancé s'appelait Juan, Juan dos Tres, le matador. Il conduisait une Ford Mustang, c'était le roi de la corrida. Il dort, attention à vous. Aïe, aïe, aïe, Conchita Martinez. Aïe, aïe, aïe. C'était une belle gonzesse, t'entends rien. Aïe, aïe, aïe, una bomba, una déesse. Blues andalusque, mayonnaise, olé. Maintenant, on va un peu se reposer. Vous pouvez faire mieux, hein, pour la... Donc, retenez bien, aïe, aïe, aïe. Dans sa villa de Malaga, elle s'empiffrait de paella. Elle était hyperchondriaque et pourtant, ça n'existe pas. Quelle parole. La fin de l'histoire est tragique. Un jour, Conchita s'étrangla. Elle n'avait pas vu l'élastique au fond de son verre de sangria. Aïe, aïe, aïe, caramba. Aïe, aïe, aïe, Conchita. Aïe, aïe, aïe, madre de Dios. Aïe, aïe, aïe, Conchita. Adios, adios, adios. Aïe, aïe, aïe, Conchita Martinez. J'entends rien. J'entends rien. Aïe, aïe, aïe, una bomba, una des. Blues andalusque, mayonnaise. Allez, merci. Merci Jean-Luc Font. Allez, c'est vrai qu'elle était mieux, elle était encore mieux. Charline, la sauce belge. Oui, notre traducteur officiel, Philippe Gueluc, va expliquer cette phrase aux Français. Elle était plus andalouse que mayonnaise. Oui, amis français, bonsoir. Ici Bruxelles. Alors, toute la subtilité de cet hommage discret à la reine Fabiola, qui était elle-même andalouse. Tout à fait. Alors, à Bruxelles, quand vous dégustez un cornet de frites dans la rue, vous demandez sauce mayonnaise ou sauce andalouse. Donc, elle était plus andalouse que c'est mayonnaise. Mais si on ne sait pas ça, on ne comprend pas. Évidemment, je vous aime. Merci, Philippe. Jean-Luc Fonck. Alors, Philippe Gueluc explique du Jean-Luc Fonck. Je rappelle, Jean-Luc Fonck du groupe Stella. En France, vous connaissez peut-être plus sous le nom Stella. Son dernier album, effectivement, et 3L, Regrette-moi dans les yeux, est disponible depuis le mois de mars. Il est en tournée jusqu'au 3 septembre. Jean-Luc Fonck, Philippe Geluc, Le Public, nous allons écouter une nouvelle chronique, tiens, celle de Christophe Bourdon. Christophe, vous avez envie d'être presque sérieux, vous avez réfléchi aux conséquences d'un attentat sur nos vies. Oui, je m'excuse à l'avance si je plombe l'ambiance, mais voilà. Merci de rire, Alex, c'est pas drôle. Ce n'est pas facile, évidemment, ça ne l'est pas. Comment ça pourrait l'être? Oui, à l'avenir, il faudra qu'on vive avec ça, se dire que c'est arrivé, que ça arrivera encore. Oui, nous autres Belges, nous devons nous faire à cette idée. Désormais, à chaque attentat, cette menace pèsera sur nos têtes. Un débarquement d'émissions d'humour français. Non mais attendez, public de Fagey, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe là? Des Français viennent chez nous en Belgique faire de l'humour. Est-ce que nous, on va aux Pays-Bas leur apprendre comment vivre en camping-car? Et vous voilà donc chez nous avec vos Charrebec, vos Molenbeek et vos Malbec. Je vous raconte pas le jour où il va se passer un truc à Kuckelberg, AVC avéré. Hein. Non seulement ils nous envahissent, mais en plus, qui est à leur tête? Charline Van Hoenacker. Charline Van Hoenacker, française qui a pris un nom belge pour réussir en France. Mais oui, il faut le dire, son vrai nom, c'est Josiane Pinchard. Elle est aussi bruxelloise qu'un moule frit chez Léon. Bravo l'opportunisme à Charline. Ah, mais elle, en 40, elle aurait couché avec Pétain et Jean Moulin. En même temps. Elle serait mise au milieu. Franchement, est-ce que vous pensiez quoi, les camemberts à béret? Qu'on allait vous dérouler le tapis rouge, qu'on allait vous laisser divorcer sur notre sol vos monçons de blagues made in France? Ouf, tais-toi, néné Valet. Nous sommes dans la place! Et avec nos meilleurs chroniqueurs! Mon sens de la démagogie me perdra. C'est un putsch! Nous avons pris nos meilleurs chroniqueurs, c'est-à-dire nos moins bons. Oui, nos moins bons, car comme l'a dit Walid dans les coulisses, Walid, notre caution minoritaire adorée, un chroniqueur belge médiocre sera toujours supérieur à un chroniqueur français de génie. La preuve... La preuve, Alex Vizorek fait carrière chez eux. Et il rit encore aux blagues du chat. Ça situe leur degré d'exigence. Cela dit, je me pose une question. Vous êtes là aujourd'hui, qui va débarquer demain? Cyril Hanouna et sa bande? Je les entends déjà courir. Voilà. Oui, je me suis dit, si un jour je fais une chronique sur France Inter, je glisse un petit peu. Bonjour la France, adieu ma carrière. Ah oui, je sais ce que vous allez dire, évidemment. Ouais, mais bon, Christophe, il était important de venir à rire avec vous, les petits Belges. Ah, j'adore la Belgique, malgré Jacques Brel les frites. Parce que désormais, comme nous autres, vous devez vivre sous la menace terroriste permanente. La menace terroriste permanente. Les gars, ça fait des mois que c'est le cas chez nous. On est gouverné par la NVA. Un parti séparatiste qui doit maintenir l'unité d'un pays. Si ça, c'est pas une menace terroriste permanente, je sais pas, moi, c'est un peu comme si... Ah. Il y a du soutien fédéraliste dans la salle. Voilà. C'est un édito. C'est pas vous qui allez le critiquer, quand même. Je sais pas, les gars, c'est un peu comme si chez vous, en France, aviez, je sais pas, au hasard, un président qui disait qu'on va combattre l'ennemi et qui remettait en douce une légion d'honneur à un prince saoudien. Ça n'arriverait jamais. Je déconne, les gars, je déconne. Mon esprit est décidément trop fertile. Bon, avec tout ça, j'ai quand même pas parlé du plus important. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toute cette merde qu'on vient de vivre? Eh ben, je vais pas être original, je le sais, mais je crois qu'on va faire ce qu'on est en train de faire, là. On va continuer de rire, de boire des coups, de faire la fête, de faire l'amour. Bon, dans mon cas, faut juste que je me trouve une femme pour faire l'amour. Donc, si jamais une femme veut faire l'amour avec moi, qu'elle sache qu'elle posera un acte citoyen fort pour dire merde au terrorisme! Christophe Bourdon, en direct ici de Flagey, l'Union fait la farce, Sylvia Isarini. Ah, elle se propose! Non, mais vas-y, coupe-moi, Olivia. Une similitude d'esprit et de disposition d'esprit entre Juliette et Christophe. Voilà, vrai. Le match est tout cuit. Et elle est à 3,5. Je n'avais pas fini ma chronique, je continue. Terroriste de Walid. Donc je répète, si une femme veut me faire l'amour avec moi, qu'elle sache qu'elle posera un acte citoyen fort pour dire merde au terrorisme. Et là, je me rends compte, c'est la pire phrase de drague que j'ai jamais sortie de ma vie. Allez les gars, je vous dis pas vive la France, je vous dis pas vive la Belgique, je vais juste vous dire vive ceux qui aiment la vie. L'Eurovision, Sandra Kim. 1986. Ça fait quand même deux fois en une semaine sur France Inter. On va avoir des problèmes. C'est moi qui vous le dis. La France, la Belgique qui aime la vie ici en direct à Flagey. On célèbre bien la vie avec Charline, avec Alex, avec nos chroniqueurs, avec Philippe Geluc qui est notre invité. Et en musique, s'il vous plaît, avec la magnifique Lara Visante et talentueuse, c'est la Sou. If I call for you, will it feed the flame, but it already breaks us in two. 'Cause I want a glance of how the story ends, but I already know the truth. Oh, what would I have to gain if I had every piece of you? But I believe it's yours. With my feelings on the line, I can do anything to fight this raging. I can sing the notes, hopeless as they sound, they're encouraging in my head. All lies down the chain, I would do anything for you. I can take the blame. My heart's on the line, I can do anything but lose this changing game. I won't go for more, I won't go for more, till the rain stops. Yes, I won't go for more, I won't go for more, till the haze drops. Yes, I won't go for more, I won't go for more, till the rain stops. Yes, I won't go for more, I won't go for more, until the haze drops. But I'll sing for you, yes, I'll sing for you, what is in my heart, let it ring through you. Yes, I will sing for you, I will sing for you, I will sing for you. I will sing for you, but I won't go for more, I won't go for more, until the rain stops. Wouldn't go for more, I won't go for more, till the haze drops. Merci Célassou, ce que la Belgique a de meilleur et que nous fait tant de bien. Merci Célassou pour pouvoir trouver notamment au festival Solidays à Paris le 25 juin. Et puis elle est en tournée jusqu'à New York et le 1er juillet à Bruxelles, le 30 mars à Londres, c'est notre artiste international. Merci Célassou d'être venu avec nous dans cette émission. Elle est venue partager toute l'émotion, le chagrin également qu'on partage ici en Belgique avec... nos amis, nos voisins français de France Inter en direct sur la première avec des invités. Et on a vanné tout à l'heure les policiers. Arrêtez. Mais il faudrait quand même aussi grandement applaudir les forces de l'ordre, des pompiers, tous les gens qui ont été solidaires. C'est très important. Et nous, on leur dédie cette émission. Exactement, on leur dédie cette émission. Et à ce propos... Philippe Geluc. Il est bientôt 18h, tout se passe bien, nous sommes ici à 400 ou 500, et donc, parce que je suis entré tout à l'heure, sans, il n'y avait personne à l'entrée. Donc je me suis posé des questions, est-ce qu'avec un niveau 3 ou 4, il ne devrait pas y avoir la sécurité avant de laisser rentrer des gens dans une salle. Mais on est 3 j'ai pris, ou 4, on j'ai pris mes renseignements. 3. Donc il n'y a pas eu effectivement de contrôle à l'entrée de la salle, mais il y en aura à la sortie. Parce qu'en Belgique, on ne veut pas laisser repartir dans les rues des gens dangereux. Donc il y aura une fouille du public à la sortie de la salle. C'est vrai qu'on célèbre la vie. Eh bien, vous savez, comme on arrive tout doucement à la fin de cette émission, on peut peut-être conclure en disant qu'on a envie de continuer à trouver les mots différents pour dire ce qui arrive, parce que nous, on appelle un attentat comme on appelle un chat, mais il y a aussi des mots différents à mettre, des regards différents que vous nous avez offerts, tous les chroniqueurs tout au long de ces 2 heures. Donc on peut vous remercier tous. Du fond du cœur, merci à vous de nous avoir sorti un petit peu de... Merci Cindy, Isarelli, Guillermo Guise, de cette bulle, Manu Di Pietro. Anxiogène. Christophe Bourdon, Raoul Reyers, Juliette Armand, Hippolyte Girard, Guillaume Meurice aussi, merci à... Et Frédéric Fromet. Alex Vizorek, merci à Charline Vanunacker. Merci, et merci à Walid. Merci à France Inter, aux moyens mobiles et techniques de France Inter. Merci pour ça, les amis, vous avez été formidables, merci à vous. Applaudissez aussi les équipes techniques de Flagey, à Radio France. Il y avait Winnie Jacob et Rémi Gouriou, Benjamin Riquet à la réalisation. Sarah Masson, Nathalie Romero à la préparation de l'émission et Djoubaka pour la programmation musicale, comme tous les jours. Alors on s'est amusé, on a ri, on continuera à rire, Charline, on continuera à vivre. Mais surtout, bien sûr, c'est important. Mais on dès a lundi, une pensée déjà. Pour les familles, les victimes, et puis on pense à vivre. Voilà, tout simplement. Vivons, rions. Rions, amusons-nous. Merci à vous. Merci à tous. Vignon fait la farce.